même, que dis-je, Street Fighter 5. On va débriefer tout ça. Moi je suis un petit peu mitigé, c'est pour ça qu'on a fait venir des professionnels de la savate. Ça va être un bon dos. De la tatane. Carrément. Est-ce qu'on présente tout le monde? Allez, c'est parti. On va commencer par là, tiens. Il est beau. Il est grand. Il reçoit encore des coups de fil du bon coin, mesdames, messieurs. Mais pour autre chose, Ghostik est là. Comment ça va, mon poulet? Bah, bonsoir. Mais ça va très très bien. Je suis content qu'on m'appelle à chaque fois pour une annonce du bon coin. Alors, en fait, pour les auditeurs, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui avait fait la blague de la fameuse caravane où on avait fait une fausse annonce avec son numéro comme quoi il vendait une caravane. Et moi je vends Street Fighter 5 sur le bon coin, et oui, parce que bah j'accroche pas, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Du coup, il prend mon numéro quand il accroche pas. Et en fait, pas, ouais. Quand j'ai rempli le truc, j'ai pas capté que c'était encore le numéro de Ghostik en fait dessus. Donc il est harcelé. Non, ça va, il y a eu qu'une personne et il me disait oui, bonjour, ça avait une voix de gamin et tout. Je suis à tous les coups, c'est l'infernal et tout qui est en train de troller. Alors, c'est ça le problème, c'est que maintenant il est hyper méfiant. Et en fait, de je tout, fais oh, arrête tes conneries, Brice et tout. Et puis il fait bah non, c'est pas Brice, je veux Street Fighter 5 et tout, vous le vendez. Je fais bah non, mais j'ai une PS4, mais j'ai pas ce jeu, hein, donc. Donc voilà. Et après, j'ai envoyé un message et lui donné le numéro de l'infernal. Voilà. Je sens que tu. On n'a pas fini de rigoler avec le bon coin. Quoi. Ah, est-ce que toujours, toujours. Le jeu finalement, la finalité. Non, même pas. Et du coup, si, bah, j'ai voulu modifier et mettre mon numéro à la place. Le problème, c'est que sur le bon coin, c'est payant si tu veux changer quelque chose. Non, c'est faut 3 que tu euros. Supprimes l'annonce et que tu la refasses. C'est ce que j'ai fait du coup. Donc ah, voilà, bref. Va. Bon, ça va, poulet. Toi, t'es sur le platine de Sleeping Dog. Ouais. Ben là, il me reste 4 trophées. Et puis, entre-temps, bah, je joue à la bêta de The Division. Hein, donc, comme pas mal de personnes. Et Frozen. Et. Et oui, et la Reine des Neiges, l'espèce de Candy Crush qui est disponible sur le PS Store. Voilà, je suis en manque de platine. Alors, du coup, bah, je prends n'importe quoi. Un c'est peu comme dans la vraie vie. Quoi, point, donc, à quel point la vie est triste pour Ghostik. Bonjour Tristesse, c'est mon livre préféré. Il me semble qu'un des jeux PS3 les plus connus pour être facile à platiner, c'est Anna Montana, il me semble. Il y a Léa Passion Vétérinaire aussi. C'est sur PS3. Oh, les Walking Dead aussi, il suffit de les faire. Ah oui, bah oui, carrément. Ah d'ailleurs, oui, tiens, on en parlera après, mais il y a Tales from Borderlands qui sort en boîte, j'espère en français. Bon bref, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a Iki qui est là, comment ça va, mon poulet? Alors ce soir, il se partage un petit peu les micros. Hein. Bah écoute, moi ça va, je suis en train de platiner Journey. Yeah. Voilà, c'est la galère totale d'ailleurs. Je tenais juste à... Ah, t'as bougé le câble du micro, on ne t'entend plus. Non, on t'entend toujours pas. T'as appuyé peut-être sur éteindre. Ah là, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Très bien, excuse-moi, il y a un bouton en fait sur mon micro et j'arrive pas à le régler. Et oui, parce qu'on a changé de place un petit peu. Ok. Non, du coup, voilà, en fait, Ghostik, je l'ai fait jouer à mon jeu préféré qui est de Journée. Et tu sais que Journée, c'est un jeu très scripté et tout. Et je me suis rendu compte à quel point Ghostik, ça doit être la bête noire pour le level designer. Vu à quel point, en fait, il a tout le temps, il regarde tout le temps là où il faut pas, tu vois. Ah oui, bah ça. Tu sais, par exemple, ces cinématiques où tu dois regarder un endroit, tu vois. T'es sûr que Ghostik, il va regarder, mais totalement ailleurs, tu vois. Et là, mais sur Journée, mais c'était insupportable à quel point il nique le jeu, tu vois. T'as des périodes de glissade, il va se prendre les trucs que t'aurais pas idée de te prendre tout le mais temps. Mais Ghostik, il faut le rappeler, c'est quand même le seul mec qui respecte le code de la route dans GTA. Quoi. On a halluciné. Il découvre des bugs, il recherche les bugs, ouais. Les glitches. Ouais, c'est vrai que là, il y a l'éclate. Quoi. Et sinon, justement, en parlant de Tales from Borderlands, j'ai fait le premier épisode qui était gratuit sur le PSN. Oui, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, il est plutôt long. Il est plutôt cool. Voilà. Est-ce que c'est bien, ouais? Ouais, ça va. Franchement, les personnages sont cool. Après, bon, Telltale, comme d'hab, les animations sont à chier, les graphismes. Bah, j'ai fait aucun de leurs jeux. Disons que, à la base, c'était limite du jeu indé, en fait. Et du coup, ils ont maintenant un éditeur, tout ça, mais ils se reposent un peu, quand même, sur le fait que ce soit des petits jeux, entre guillemets. Ok, quoi. Ça marche. Du coup, graphiquement, c'était assez à chier, mais sinon, c'était pas mal. Bon, bah, c'est cool. Je te remercie. Voilà. Et puis, il y a Tagazu qui est là, qui fait sa deuxième émission. Bonjour à tous. Comment ça va, mon père? Bah, je suis content. Les invités, j'ai l'impression qu'on est à la maison, qu'on va faire un tour de street, ouais. Alors, je suis hyper heureux, moi. Et ouais, on sortons aurait les consoles, jouons. On aurait pu refaire comme on avait fait pour Mario Kart à l'époque. Un grand moment Mario Kart en direct à la radio. Il n'y a jamais personne qui a porté plainte pour cette émission. Je sais pas, mais des non, commentaires à la radio, c'est nous, on s'est éclatés, mais écoutez, ça devait être relou. Je sais pas. Vous n'avez pas les images, je commentais, c'était génial. Je crois que le replay s'est perdu dans les... D'ailleurs, pour Eiki, qui n'a pas eu d'image d'ailleurs de ce tournoi pour Eiki, parce qu'il était particulièrement mauvais ce jour-là. Non, mais entre-temps, j'ai acheté Mario Mario Kart, dis-toi que je l'ai fini jusqu'à avoir carrément toute la panoplie du kart en or. Alors okay. Attends, je viens d'entendre voilà, quelque chose qui me chagrine, c'est-à-dire que Mario Kart, je te l'ai prêté il y a 6 mois. Je l'ai pas acheté, à moins que tu me l'as acheté, mais j'ai pas vu la pine, quoi. Oula. Non, je l'ai pas acheté. Rappelle-moi que ce soir, on va boire l'apéro chez toi après l'émission. Le dossier a été soulevé, je suis désolé, j'aurais pas dû parler de Mario Kart. Non, je suis désolé. Le tien, il a perdu, il a dû en racheter. Voilà, c'est ça, on va être parlé de racheter ça. Et tu joues à quoi, ta gazou, en ce moment, toi? Street. Voilà. Yes, à fond, ouais. De m'entraîner, mais bon. Je resterai quand même le joueur le plus mauvais de la communauté sur Bordeaux de Street, à mon avis. Oh, mais je m'entraide, voilà, j'essaye. Yes, avec, on en parlera plus longuement tout à l'heure, parce que moi, il y a plein de personnages qui me font délirer. Moi, je joue avec John Rashid, je l'adore. Ah oui, moi aussi, j'ai commencé par ça. Ouais, mais non, il était pas mal. Ouais, je l'aime bien. Et il y a un mystère à lever sur Street Fighter aussi. Et je vais en profiter pendant qu'il y a des spécialistes, parce que j'ai une question qui me turlupine depuis 1991, mesdames, messieurs. Bon moment déjà. Ouais, carrément. Allez, tiens, il y a Dandy qui est là avec nous. Comment ça va, poulet? Bonsoir, bah ça va très très bien. J'ai l'impression de faire l'appel à la classe, dans une classe. Non, vous êtes 31 ce matin, présent. C'est bon. Bonsoir. Comment ça va, poulet? Ça va pas mal, tranquille. Bah écoute, pareil, comme tout le monde, je pense, comme le disait Goustique, sur la bêta de The Division. Oui. Ensemble, qu'on a pu se faire dimanche, je crois. Parce que samedi, t'étais pas dispo. T'as samedi, fait du Far Cry Primal. Far Cry Primal, et je vous en parlerai juste après, je suis fan absolu. Et voilà, si je me suis fait aussi le platine de Mad Max, qui franchement, c'est éprouvant. Ouais, bah en éprouvant, fait, c'est que j'ai plein de petits trucs à ramasser, quoi. Ouais, non, mais même pas que ça, quoi. Enfin, pas que ça. Pas que ça. Ouais. C'était vraiment hyper chiant, et je t'avoue que. J'ai revendu la console. On dirait que quelqu'un est mort. Ouais, c'est on dirait que j'aurais témoigné après. Mais non, mais c'est le genre de truc. C'est le genre de truc qui te bouffe. T'es là, tu te dis, allez, il me reste pas grand chose à faire. Et puis t'es là, tu dors, enfin, tu vas te coucher qu'à 3h du mat. T'es là, mais putain, allez, il faut le finir le truc. Et tu pousses mais pour le terminer. Que, et, ça m'a saoulé. Ça doit être indexé dans le dictionnaire des maladies, ce que t'as en vrai, tu vois. Mais c'est possible. Mentalement, tu vois, c'est pas normal. Ouais, c'est quand même le mec qui a platiné The Witcher 3, quoi. Truc de fou, quoi. Joli. Il me reste Metal Gear à faire, et ça, c'est pas le genre de suite, truc hein. Que quand tu dis aux gens, ils te regardent en mode ah, ça va le ah, waouh, super. Waouh. Bon, là, t'as tous les auditeurs qui sont pas gamers, qui nous écoutent. Il y a des auditeurs, on me l'a déjà dit, qui nous écoutent, qui comprennent rien au jeu vidéo, mais qu'on fait rire, donc on les embrasse, hein. Bisous. Voilà. Bisous. Et puis, il y a Kogu qui est là. Comment ça va, mon poulet? Kogu qui se prend la tête sur Gungor and Cannoli. Oui, trop peu. Bah déjà, bah ouais, il me reste plus que celui-là. J'ai décidé donc du coup de l'affronter, mais en mode impossible. Et ce j'aime mode bien le est nom impossible. Du mode. Voilà, mais ça porte voilà très très bien son nom. Donc en fait, j'avance, je fais un checkpoint par jour, à peu près. Sachant que les c'est-à-dire niveaux ça représente 100 mètres dans le jeu, hein, concrètement. Mais c'est juste une tuerie en même temps, ce jeu. Quoi. Voilà. Et sinon, ça va très très bien, de mieux en mieux. C'est l'avant-dernière de Goustique, donc bientôt la super patate. Et bim! Et mon petit poulet. Et soyez bien là. On a des choses à fêter déjà aujourd'hui dans l'émission, mais soyez bien là. À l'écoute, mardi prochain, on fait une spéciale Belgique, mesdames, messieurs. Ah, nous aurons le retour de Jackie Concorde qui vient en scooter depuis Namur. Jackie Concorde, non. Mais carrément. En fait, c'est lui qui le dépose là-bas, donc. Eh oui, il vient chercher Gusty qui repart avec, dans son top case, comme ils disent. Avec sa caravane accrochée à son scooter. Non mais soyez là, franchement, on va se marrer. Et puis le mardi d'après, on fait une spéciale survie. Alors là, on va tout faire, genre en mode économie d'énergie, on va tout éteindre. Et puis on va les micros sera un des pots de yaourt. On va pas bouffer d'un mois et on va voir qui c'est qui bouffe le premier animateur radio. Quoi. On va faire. Commencez pas à me regarder comme ça déjà là. J'en ai vu plusieurs ouais, en train de. Bon, t'es ouais, bien, ouais. Quand même. On va faire le bien. Premier. Je crois que c'est à ce moment-là que je regrette de vous avoir rejoint. On va faire le premier Koh-Lanta. Je vais pas me laver exprès. Bon les gars, va falloir qu'on trouve une solution parce que je peux pas en placer une si je peux pas envoyer les disques, on est mal ce soir. Mais on va faire le premier Koh-Lanta radiophonique, je pense. Essayez de me regarder, dans l'idée. Ouais, mais comme c'est... ça, parce qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 8. Ça va être vite le beau bordel. T'arrives à le regarder, toi, plus de 5 minutes. Moi, il me fait peur, moi. Bah oui, c'est normal. Il m'intimide vachement. Moi, je vois un pied de micro, donc. Et puis, du coup, tiens, bah, y a Strider qui est venu nous voir. Comment ça va, mon poulet? Ben, ça va très bien, ça va très très bien. Donc, comme l'ami Tagaz. Et l'invité à ma gauche qui te présentera tout à l'heure. Oui, Street Fighter. Et un peu aussi de Street Fighter en ce moment. Forcément, c'est l'actu. Donc, déjà ce week-end. Un week-end baston au Meltdown de Bordeaux. Oui, un carrément. Versus avec un côté rétro Street 2 et puis du Street 5. Et forcément, du game sur Street Fighter 5. que j'ai essayé de retourner au maximum et on en parlera durant l'émission avec tout le monde. Ouais, carrément, je carrément. Pense que ah, c'est carrément fait implanter un sixième doigt pour le pad, j'ai vu. Exactement. C'est un truc de fou. Exactement. Un pad. Yes. Bon, on va débriefer tout ça tout à l'heure. Et puis Tomisa est là. Comment ça va, mon poulet? Tomisa qui était venu nous voir pour Metal Gear. Exactement. Tomisa. Vous avez fini le jeu depuis, j'espère? Ouais. Toujours pas. Ouais. Mais excellent d'ailleurs. Moi, pour moi, grosse claque. Tu as relevé sa chance au jeu, Brice? Pas vraiment. Non, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je peux pas. Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Bah, normal. On va parler un petit peu du jeu de combat, vu que l'association que je gère, c'est la spécialité de cette association. Bon, on discutait en long, en large, grâce à Strider et à Tagazu également, bien sûr. Toujours aussi élégant. J'adore, Tomisa, toujours aussi élégant. Grosse saveur vestimentaire, comme dire. Ah ouais, j'adore. Je suis totalement fan. Et puis ben moi du coup, petite semaine qui va bien, je joue à Far Cry Primal qui sortait aujourd'hui même. Je suis en bonne route pour le platine parce qu'on l'a eu un peu en avance. Il est assez simple mais je le trouve énorme. On en parlera plus longuement dans deux semaines, on fera le test complet, mais c'est un jeu qui me fait du bien. Il n'y a pas un coup de feu, il n'y a pas une bagnole qui passe. J'ai pu voir ça tout à l'heure sur un certain stream sur Twitch où je te voyais défourailler à coup de... À coup de massue quoi. À coup de masse. Mais t'y vas. Alors, mais c'est franchement... Moi ça, j'ai c'est juste terrible. Une petite question. Oui. Goustic m'a dit que toi personnellement tu avais monté un ours. Oh oui, j'ai monté un ours. Dans ce jeu, je veux dire. Non, dans la vraie vie. Non, dans ce jeu. T'as vraiment monté sur un ours? Oui, tu peux monter sur un ours, un mammouth. Il te porte comment? Bah, tu grimpes dessus à califourchon. Il est à quatre pattes? Bah oui. Ah putain, moi, il est debout, il m'a pris sur ses épaules. Tu vois? Je l'imaginais sur deux pattes, moi, l'ours. Non, mais ça, c'était avant, quand je bossais chez Pinder, ça. D'accord. C'est pas le même ours. Et puis aujourd'hui, on a quelque chose à fêter. On a deux choses à fêter, même, mesdames, messieurs. On a passé les 1000 sur la page Facebook, on peut s'applaudir. Voilà, on se c'est des délires, ça y est. Et oui, j'ai mis des applaudissements. Ah cool. Foule en délire. J'ai mis des applaudissements. Une petite foule, hein. En fait, ce qu'on a, c'est des petits moyens, c'est des petits studios, donc petite foule. Hein. Oui, on a passé les 1000 sur Facebook, merci à vous, vous déchirez tout, ça fait plaisir. Et puis on a fini premier sur PodCloud, mesdames, messieurs, on peut se réapplaudir. Alors, oui. On se réapplaudit. Premier sur PodCloud. Alors PodCloud, c'est là où vous pouvez réécouter les replays de l'émission. Catégorie jeux vidéo, on est devant Gameblog, on est devant Gamekult. C'est un truc de malade. Est-ce qu'on est devant? Non, en fait. Oui, on est devant. On est devant puisqu'on est premier. Alors au classement général, catégorie jeux vidéo, on est premier. Alors ça, le truc, c'est que c'est mis à jour un peu chaque jour. Donc ça va, si on est premier, troisième, sixième, premier, sixième, premier, troisième. Le truc, c'est que vu qu'on n'a qu'une émission par semaine, ceux qui ont une émission chaque jour, et du coup, ça, les statistiques sont pas les mêmes. Du coup, va falloir faire une émission chaque jour. En fait, on voulait vous le dire maintenant. Voilà. Et il y a du mal. Mais en direct de la maison. On va couper l'émission en cinq ouais, parties comme des DLC, tu vois, c'est dans ça, en cinq chaque jour. Et on le fait payer en plus, bordel. En fait, on va retransmettre les streams, mais sur de radio, tu vois. Ça va être très radiophonique, un stream à l'antenne. Ça peut être cool. Donc voilà, on va fêter ça. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a une petite surprise. On va donner de l'organe. Je peux pas vous en dire plus. Ah ça j'aime bien ce genre de teaser. Ah voilà, ça donne envie. Il faudrait la vidéo pour ça. Ah, oui. On va donner de l'organe. Ouh là là, malheureux. J'ai moi déjà je tout prête excité. Hein, seulement. Allez, puis comme d'habitude, on est en direct aussi sur Twitch, hein, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Vous êtes déjà 14. Tiens, il y a John, il y a l'amical du geek. Il y a Bastien Honner qui vient nous rejoindre. Ah, Bastien Honner, c'est un petit jeune de radio, ça. Tiens, Bastien. Salut mon Bastien. Poulet. Il est parti. Il y a Bacoas. Non mais joli, parce que c'est écrit tout petit. Alors j'ai pas mis mes deux. Utilise la tablette, c'est une tablette, tu peux la prendre dans tes mains. Mais non, c'est l'écran. C'est une tablette mais 107 pouces. On y viendra. Bon, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Merci à vous et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E, et surtout très important, les auditeurs chéris, n'oubliez pas surtout de partager, c'est hyper important sur Facebook. Peut-être que vous vous dites oui, mais moi dans mes contacts, tout le monde s'en fout du jeu vidéo. Mais on sait jamais. Pour une personne, ça se trouve, tu vois, ça fait effet boule de neige. Ah, c'est beau. On dirait c'est une leçon à la fin de South Park. Mobilisez-vous. Envoyez des messages. Non, mais c'est vrai. Bon voilà, on vous embrasse. Est-ce que vous voulez que attendez, qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir? Ce soir, j'ai été cette semaine d'humeur disco, mon pote. toute la semaine, j'ai marché, mais genre je volais sur le sol, quoi. Ah, j'ai été ultra disco toute la semaine. Du coup, ce soir, on s'écoute James Brown, tiens, avec Plays I Fucking. J'allais dire feu. Non. Plays I Fucking, j'allais dire. Mais c'est pas ça. Mais tu non, l'as c'est dit. Pas bah, ça. C'est de l'anglais. Bon, ouais. je le. Hein, bon. Plays that funky music, white boy. Oh, c'est tiré du film Evolution. Eh, mais c'est que t'y arrives des fois. T'as vu? Ouais. Je sais pas, c'est voilà. Respect total. C'est la Cunnilingus Institute. On s'écoute ça à 19h30 et à 20h, on s'écoute The Tramps avec Disco Inferno. Vous allez voir, ça déboîte. C'est que du bon son et du disco, ma gueule. Alors, oui, ça c'est bon. Ça. Alors, Goustique, ouais. Tu vas danser, je te le dis. C'est toute. Ambiance, pas de def, fond blanche. Tu vas c'est toute la jeunesse. C'est toute la jeunesse de Tagazou et Kogou. C'est toute la jeunesse. C'est ça. Carrément. Allez, j'envoie la musique des news et on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Alors, on n'a pas de son. Que se passe-t-il? Ah, la musique des news était en vacances. Allez, qui s'y colle? On va essayer de s'organiser. Bon, Goustique, allez, commence. Allez, Goustique. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous parler de cinéma, puisque... Bon, ok, on se casse. Non, arrête, franchement. Puisqu'on... Ouais, franchement. Franchement, la vérité, mon frère, la vérité. Là, je vais te parler de Blade Runner. Je vais te parler de la suite de Blade Runner, là. Parce qu'il n'y a pas Harrison Ford, mais ça y est, Blade Runner 2 est confirmé. Écoute-moi bien, mon copain. Et on connaît la date. Et Blade Runner, tiens, je fais un bisou salut, à ZZ qui nous écoute. Blade Runner, on l'a rematé l'autre soir. C'est ça, relou. Hein. Ça a mal vieilli. Ah bah, ça même, c'est un peu lourdingue, quoi, à mater. Hein. Eh bah écoute, si t'as envie de regarder le second qui arrive en janvier 2018, cette fois-ci, il n'est pas réalisé par Ridley Scott. Ok. Il est réalisé par Denis Villeneuve, celui qui a Denis réalisé. Denis de radio. Non, je pense qu'il est trop préoccupé. Gros budget. Réalisateur de Prisoners avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, et ensuite il a réalisé récemment Sicario avec Benicio del Toro. Ah, oui. Deux très bons films. Je vous recommande vivement. C'est le frère de Guillermo del Toro. Aucun rapport. Aucun rapport, mais c'est pas grave, on passera à ta news. Et du coup voilà, il arrive début 2018 et on connaît un petit peu l'acteur principal qui sera Ryan Gosling. Ah tiens. Bien. Donc why not, enfin après j'aurais pas trop pris Ryan Gosling dans mais Blade il a Runner. Un air, hein. Il a un air d'Harrison Ford jeune. Donc voilà, rendez-vous en janvier 2018 pour la suite de Blade Runner. Yes, tiens, il y a l'amical du geek sur le chat qui me fait un culte. Oh mais banne-les hein. Putain, ce qu'on peut pas entendre, ils me disent. Allez, vas-y. Mais, moi je vais te parler du coup du jeu que t'es en train de jouer. Ah mais tu me parles pas à moi, savoir. Tu parles aux auditeurs, à la France entière. Non, juste à toi, c'est d'accord. Un secret entre nous, ok. Ok. Tu le répètes, je te défonce. Chut, alors parle-toi d'autre. Non, du coup j'ai parlé de Far Cry Primal, mais t'étais en train d'y jouer, du coup je me suis dit que peut-être tu l'avais déjà fait. Mais on a trouvé un easter egg, ouais. D'ores et dépend. Arrête de pardon. Tripoter ton micro. En ça plus, dépend. Ça s'entend, le son est dégueulasse. Désolé. Tu vas revenir vite fait à ta place, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Non, mais c'est ce micro, il me perturbe. Coup... Arrête d'y toucher. Ok. c'est dur. Du coup, attention. Ouais, est-ce que tu as fait un easter egg qui avait des petits airs d'Assassin's Creed sur les côtés? Et devant et derrière aussi. Oui, je l'ai fait ce matin. Tu l'as fait, du coup. Bon, très bien. Mais du coup, je vous en parle quand même. Vas-y. Mais il y en a d'autres. Hein, je pensais trop plein. Que tu l'avais pas fait. Je pensais que t'allais me faire. Ouais, j'ai fait celui sur Blood Dragon et là, j'allais dire. Eh ben non, il y en a un nouveau. En fait, tu peux pas le louper. Il est lié à l'histoire. Ok. Bon, très bien. Et ben en tout cas, avec ce DLC, vous pourrez avec cette historique, vous pourrez rencontrer Urki, qui est un homme en fait qui possède en fait tout simplement le rêve de voler. Et vous allez lui aider en lui ramenant des fragments d'animaux. En fait, des plumes. En fait, tu vas chercher des plumes, des carapaces de tortue, tout ça. Et ce dernier en fait va se jeter du haut d'une corniche. Et à réatterrir dans une botte de foin avec tous les petits sons qui vont bien. C'est et ça. Voilà, un petit easter egg d'Ubisoft pour Ubisoft au final. Ouais, carrément. Alors il voilà. Y a un passage aussi où tu sais t'as toujours la mini carte en bas à gauche dans les Far Cry et genre t'as un espèce de village qui a été rasé et en fait le trait sur le sol c'est le sigle d'Assassin's Creed, l'espèce de A un peu bizarre. Mais d'ailleurs tu sais d'où il vient ce sigle des assassins? J'ai halluciné la dernière fois, je faisais des recherches sur les logos. Et en fait, c'est le crâne d'un aigle, le petit sigle d'un assassin. Ouais, je te jure. C'est genre, ça fait le crâne en fait d'un aigle quand il y a pas les plumes, etc. Yes. Au-dessus. Eh, GG. Voilà. Yes. Voilà. Allez, Tagazou, enchaîne si tu veux. Alors, ma news, je vais vous parler d'Hitman. Alors, pas celui qu'on a parlé en long et en large avec notre ami Dandy sur le point bêta la semaine dernière, mais du Hitman Go. qui sort aujourd'hui sur PS4 et PS Vita, et même sur Steam. Et c'est le meilleur jeu Android et iOS de 2015. Ah tout bon simplement, j'y ai joué. Alors, faut aimer, hein, c'est un peu jeu de société au tour par tour. Mais c'est bien dans l'esprit d'Hitman, c'est voilà l'infiltration, voilà, il faut se déguiser, enfin voilà, je vais pas vous spoiler le jeu, mais voilà, j'espère qu'il va pas être plus cher que 5€ parce que vous le trouvez quand même sur tablette à 5€. Eh ouais. J'ai peur que avec le PS4 en tubage on passe à 20€. Voilà. T'as regardé s'il n'y avait pas la fin en DLC à côté? Non, voilà, c'est pas comme le prochain Hitman qui va sortir, voilà. Non, je sais pas maintenant. Et ce modèle économique méfie, plus que douteux de faire sortir les épisodes, voilà, semaine par semaine. Donc non, Hitman Go, si vous le voyez pas trop cher, prenez-le. Yes, mais ça me rappelle un truc, un jeu où tu t'infiltres, où tu te déguises, ça rappelle Goustic Go, moi. Oui, Goustic Go. C'est un truc comme ça, je crois. Un mélange de jeu de Go et de Goustic, c'était génial. C'est génial. Allez, vas-y, Dandy. Alors, moi, je vais vous parler de... Alors, encore de Pity, mais pas vraiment du jeu en lui-même. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que quand il y a eu l'annonce de Silent Hills Pity, on a vu fleurir d'un coup plein de jeux similaires qui ressemblaient. Alors, le premier du nom était Allison Road, donc qui se faisait financer sur Kickstarter, je crois aussi. Et aujourd'hui, il y a un jeu donc qui fait surface et qui s'appelle Visage. Juste Visage. C'est des Français. Alors, on sait pas, pour l'instant, je crois que c'est des Américains qui font ça. Alors c'est un jeu d'horreur vu FPS. On est comme sur du Pity, sur du photoréalisme. On est dans une baraque, on avance et il se passe des trucs bizarres. Tu ouvres une porte, ben en fait t'es plus dans la maison, t'es dans une espèce de truc un peu steampunk. Enfin, c'est assez bizarre. Ça fait un peu penser à Layer of Fear. C'est ouais, des pièces qui se déplacent ouais, en fait. Mais alors là, pas vraiment. Après c'est psychologique, tu vois. C'est t'es dans une maison et t'as pas de musique, c'est ça qui est bien. Il y a une vidéo de 12 minutes de gameplay que je vous propose d'aller voir sur YouTube. Donc le jeu s'appelle Visage. Et si vous pouvez, regardez-le après l'émission, dans le noir, avec un bon son ou le casque sur les oreilles. La regardez pas maintenant, sinon vous allez louper plein de choses. Bah ouais. Mais après l'émission, allez-y. C'est surtout que, voilà, il y a une vraie... Alors certains diront... Ouais, il se passe pas grand-chose. Mais c'est le stress, c'est la tension qu'il y a... Non, j'ai une banne. Bah, il s'appelle Visage. À quand le DLC Bukake? Voilà. Bon, je me casse. Oh, le gars. On va passer en crypté. Ouais, voilà. Ouais, carrément. C'est ça. Désolé. Donc, ouais, ce jeu, il a été financé sur Kickstarter. Il a récupéré 67 000 $ alors qu'il en demandait que 35 000. Le jeu sortira pour janvier 2017 sur PC, PS4, One. Il sera compatible VR. Alors ça c'est hyper important, ça, c'est parce cool. que pour le coup, se faire un jeu similaire à du Mais Silent Hills en VR, ça peut être génial. Si on a que le trailer maintenant et qu'il sort en VR, etc. Alors c'est pas le trailer, tout ça. C'est une vidéo qui montre 12 minutes de gameplay. D'accord, parce que le ça jeu... veut dire que c'est pas indé du coup, c'est à éditeur. Non, c'est indé, c'est sur Kickstarter, les mecs sont arrivés, ont dit voilà, on a tel jeu, on a besoin de thunes pour le faire, ouais. Et maintenant le jeu se fait au fur et à mesure. Après il fallait bien qu'ils mettent aussi un petit morceau de viande pour appâter les gens. Bah oui, carrément. D'accord, ok. Qui mais mine de rien, il y a pas mal de jeux qui arrivent pour la VR. Ouais, elle va pas sortir avec trois jeux. Tu vois, des jeux comme ça, honnêtement, ça vaut vraiment le coup pour de la VR, parce que je pense que, comme on a vu avec, comment il s'appelait, Until Dawn, c'était génial. Mais c'était de la troisième personne. Là, tu le mets en FPS avec du VR, c'est sûr, tu pètes un bon. Justement, ils sont en train d'en faire. C'est dingue. Ils sont en train d'en faire un oui. pour le VR de PlayStation. Ouais, moi, ce qui me, voilà, avec le PlayStation VR, ce que je veux faire, moi, c'est Alien Isolation. Grave. Ouais, mais malheureusement, je pense que... Outlast. Mmh. Ouais. Ça, mon gars. Alien, ça Outlast, autant aussi. Je pense que ça peut marcher encore, ça va être un peu, autant Alien Isolation, vu que tout de suite t'as un gameplay en fait derrière et le fait de pouvoir tirer tout ça, je pense que ça va plus t'handicaper qu'autre chose au final. Ouais, je sais pas, c'est à essayer, mais moi franchement, ça, voilà, ça me fait envie grave quoi. Voilà. Yes. Allez, Gogou. Mais une petite news et un petit clin d'œil du coup également à Kalec, oui. Qu'il va falloir vraiment réconforter. Le créateur de Binding of Isaac a souhaité faire un portage de son jeu sur application. Je croyais qu'il était mort, moi. Et notamment, non, pas encore. Mais ça lui a fait du mal là quand même, ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire qu'il a voulu la déposer sur une plateforme iOS. Eh bien, messieurs, dames, ça lui a été refusé. Mais pourquoi ? Alors, le motif exact, Donc c'est cette application comporte du contenu ou des fonctionnalités représentant de la violence et des abus à l'égard des enfants, ce qui n'est pas autorisé. Ah oui, mais un après, peu. C'est vrai, ouais. Oui, non, mais oui, clairement. Mais vrai, d'un autre côté, c'est de... un peu vrai. Ils devraient pas le prendre comme ça parce que c'était quasiment sûr en fait qu'ils seraient pas acceptés. Apple a toujours été hyper strict par rapport à sa charte d'utilisation pour y déposer des applications. C'est dommage parce là, que ça s'y prêtait bien quand même. Oui, oui, oui. Ouais, mais après il y a encore Android, ouais, tu vois. C'est juste que bah Apple ils ont cette politique là. Ils auraient dû s'en douter dès le début que c'était pas possible. Bah, le jeu est déjà un carton. Enfin, je sais pas. Ah oui, c'est déjà un carton. Donc, il y a une grosse communauté dessus. Sur iOS quand on cartonne comme il le fait avec son jeu, je sais pas. Oui, carrément. Non, je pense que les vrais aficionados, de toute façon, c'est pas sur ce support qu'ils jouent. Et quand on les voit jouer, moi je dis, ces gens-là, ils sont pas comme nous. Carrément. Allez, tiens, moi j'enchaîne avec un truc qui m'a chagriné aujourd'hui, tiens. C'est pas cool. Montre. J'ai pu voir, on peut voir sur internet, la bande-annonce de Peter et Elliot le Dragon, remastered. Oh, ouais, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors voilà, moi je suis né en 82, j'ai 33 ans. C'est une surprise. Hein. J'ai eu la VHS, pour les plus jeunes, la VHS c'est comme un DVD mais carré. C'est un peu l'idée. Et non mais j'avais la VHS et c'était un vrai délire. C'est vraiment une horreur. Et vous avez vu ça? Non mais moi ce qui me fait halluciner, alors déjà c'est Disney, il y a deux acteurs qu'on a vu dans Ant-Man et dans Avenger et compagnie, vont recycler tous ces acteurs. Et il y a un accident de voiture. Il y a une explosion. Enfin, t'hallucines quoi. Ils sont en train de violer mon enfance. Mais est-ce que tu as revu le film récemment? Ah, mais j'adore. Parce il a pris un coup de vue. Enfin, je sais pas. Il est sur Netflix. Et mais moi, j'adore. Ah oui. Bon. Bah alors, moi, j'ai trouvé qu'il avait pris un bon coup de vue quand même. Alors, ça doit être un peu lourdingue dans l'esprit. Mais quand l'autre, il arrive avec son chariot là, waouh, c'est l'espèce de vendeur de trucs là. Ah, j'adore. Donc voilà, ils vont nous sortir ça en version remaster de... Ah, vas-y, Strider. Non, en fait, j'aurais une news assez sympa qui m'a fait beaucoup rire ces derniers temps. Ah. Donc voilà. Donc voilà, hein, moi je suis contre, voilà. Et d'ailleurs, il y a Gogo qui s'étouffe. Excusez-moi. Sur la cassette VHS à l'époque de Peter Elliot le Dragon, il y avait la bande-annonce pour Tron 1, mon gars. Eh ouais, ma gueule. Mais le pire, c'est que j'avais cette VHS aussi. Yes, bah doit être encore chez mes parents. Et le pire, c'est qu'au moment de Tron 1... Elle faisait l'image. Et moi, je croyais que c'était dans le film, en vrai. Vu que c'était les premiers effets spéciaux, t'as l'image qui fait... Et voilà, je croyais que c'était dans le film. Bon, bref. Enfin, voilà, Peter et Elliot le Dragon, je dirais pas le voir au ciné, celui-là. Téléchargez-le, ça va être un nanar. L'appel est lancé. Non, mais ça va pas, non, c'est la honte. Bon, bref, tiens, bah, vas-y, Strider, si tu veux. Alors, moi, ça va être une news, une breaking news qui est sortie il y a 2-3 jours, voilà, sur un site, on va faire la pub, allez, on va le dire, ça s'appelle popcultureshock.com avec un S, donc c'est un site de constructeur de figurines en PVC et en silicone, donc c'est quand même des très belles figurines. Et donc, ce qui était marrant, c'est que j'ai reçu un mail, parce que j'en avais commandé une, mais pour un autre style, sur Street Fighter, il y avait moins 20% sur les figurines collection Street Fighter 5, qui tombent, par exemple, comme le Gookie, à 600€ au lieu de 850 la figurine. Donc, non, c'est bien si on a un potentiel financier conséquent. Mais ils sont sérieux? Ah, je suis très sérieux. Il y a une collection Street Fighter 5 Pop Culture Shock, on en parlait ce week-end, qui commence abordable à 300€ et qui monte pour le Gookie édition collector rétro éclairé en PVC et silicone à 850€ seulement. Non, avec un iPhone 6S offert. Non mais voilà. À ce prix-là, au Japon, tu peux avoir une vraie Lolidoll ou je sais pas quoi là, avec des trous quoi. Ils font Batman. Il y a Batman. Il y a Batman. Il faut économiser pour la semaine prochaine, les gars. Commençons à économiser. Je connais un fan de Batman. Non, mais... qui va s'en aller comme ça, Goustique qui va se masturber entre les pecs et un tout comme ça, ouais, on dirait c'est quoi, bon, elle est espagnole entre les pecs et tout, c'est de Batman quoi. Crowdfunding, tu sais, il va s'accrocher comme ça pour le blowjob, il va s'accrocher aux cornes, tu sais. Oh mon batou, qu'est-ce que je te mets, mon batou. Oh là là, tabac de cave, j'ai la visite. Bon, allez, les 19h30, on s'écoute le scud, non? Ouais, c'est parti. Il est en train de l'épouiller à côté. Ouais, j'ai le chant lexical des hommes des cavernes. Ça fait deux jours. On devrait faire l'émission en homme des cavernes. Dans deux semaines. En mode primal. Attends, regarde. Goustique, tu peux lancer, je sais que tu l'imites trop bien, lance le disque en mode homme des cavernes. D'accord. Oula, j'ai peur. Ekao kade. Sakao ne kode. Seka. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Mmh. yes, I did. To disco down and check out the show. Radio. Écoutez Eau de Radio, écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour toujours en direct sur Eau de Radio 91.3 en Aquitaine et sur Eau de Radio.net pour le reste de la Gaule. Dans un instant, on vous parle de Street Fighter 5, on va tout débriefer. Je crois même que Tagazu, tu nous as prévu une petite rétro de... Oui, tout à fait, une petite rétro. Yes, ça c'est cool, j'aime bien les rétros. Les rétroviseurs, les rétros, j'aime bien tout ça. Ça, c'est quand rétroviseur. Ça c'est quand tu sors la vanne et tu sais pas où tu vas après. Voilà, voilà, c'est ça le délire. Une vanne en DLC. Quand tu gères la vanne en temps réel, c'est chaud. Tiens, il y a Raptou qui vient d'arriver sur le stream, on l'embrasse. Salut Raptou. Tiens, bah d'ailleurs, je voulais noter, va falloir qu'on s'organise pour que vous de votre côté. Oula. L'abricotier, le truc où tu te mets en dessous là. Faudrait que vous puissiez voir le chat, parce que moi je peux pas lire tous les messages, envoyer tous les boutons, la NASA, tout ça. Peut-être par là, non ? Non, mais après, en règle générale, je veux dire. Goustique m'a dit qu'il allait s'en occuper. À partir de la semaine prochaine. Une tablette. Ouais, faudrait qu'on investisse dans une tablette. Il y aura un duplex en Belgique qui lira les commentaires et qui dira lesquels sont les mieux à dire. Ouais, voilà, carrément, parce que du coup, le temps que je tourne la tête et que je lise au loin là-bas, puis je vais perdre la vue à force. Mais prends la tablette dans tes mains, hein, t'inquiète. Mais c'est pas une tablette. Je sais pas pourquoi tu dis une tablette. Écran dans les mains. Mais ce n'est pas une tablette. C'est parce que tu la prends comme une tablette normalement. Ah, la télé, tu veux dire ? Ah oui. Mais moi, avant qu'on parle, est-ce que vous avez peut-être des news avant de finir ? Ouais, encore. Ouais, allez. Moi aussi. Parce qu'après, on a une grosse surprise. Faut pas qu'on prenne trop de retard. Si vous avez une news ou deux, allez-y vite fait, très rapidement. Allez, j'envoie la musique des news. Vous avez 2 minutes. Bon, allez, je commence. Allez, vas-y. Ouais, non, mais parce que faut prendre les choses en main, parce que le temps chantait que ça traînait un peu. Je sais pas si vous avez vu passer cette news. C'est assez marrant. Il y a une chaîne de télé iranienne qui s'est plantée parce qu'elle a voulu illustrer donc sur une chaîne d'info les ravages de la guerre contre les terroristes. Donc on voit sur la vidéo donc un sniper qui se fait 6 terroristes de ISIS, et il se trouve qu'en fait c'est juste du footage de Medal of Honor sorti en 2010. Ah bon, ouais. Voilà. Genre regardez nos militaires comme non, ils sont forts. Non mais ouais, c'est ça, ouais. C'est ils vrai, ont montré ouais. ça à la télé en disant oui, on a abattu un de nos snipers a abattu 6 terroristes de ISIS. Surtout que t'as des petits bonus, tu sais. Genre ouais, c'est plus ça. 100, t'as okay. marqué plus 100 et tout, et ils passent ça à la télé, quoi. Ah non, non, mais nous, l'armée iranienne, ils sont en réalité augmentée. À chaque fois qu'ils tuent un mec, boum, il y a plus 100 de skill, mon pote. Tu es passé caporal. Oh, les cons. Mais voilà. Donc, chapeau à eux. Super. On les embrasse. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à diffuser ça. Ah oui, personne s'en rend compte. C'est ça. Nickel. T'imagines s'ils avaient pris un vieux Medal of Honor, tu sais, mais le premier, tu sais, genre, tout pixelisé. Non, parce que nous, on n'a pas trop de thunes en Iran, donc c'est un peu pixelisé dans la rue, tu sais. Alors, il y a eu un effondrement dans une mine, tu sais, avec le footage de Minecraft, tu vois. Ah, tu me l'enlèves, j'allais la sortir. Wow, non, mais tu vois le succès qui se développe en bas, tu sais. Ouais, carrément. 15G. Oh, les non, cons. Moi, c'était un petit coup de gueule envers Nintendo, voilà, parce que. Ça faisait longtemps. Longtemps ouais. Pas content. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, bon, Mario Maker, on a bien compris leur moyen de faire semblant, de donner des choses, c'est de mettre des nouveaux petits costumes pixelisés. Et là, d'accord. Cette semaine, celui qui est tombé, c'est un putain de costume d'une putain d'animé japonaise, voilà. Ça fait beaucoup coup, de putain, ça. Voilà, ça va être Nisekoi, qui vient de Shitoge Kirisaki. On l'embrasse, ça nous voilà. écoute tous les mardis. Et donc c'est une animée en ce moment qui fait trop de succès au Japon, et du coup en fait Nintendo a décidé de balancer voilà un petit pixel de la meuf, un petit pixel art. Ouais, dégueulasse quoi. Voilà, bien dégueulasse. Ouais, et c'est mignon, bon, jusqu'à là voilà, on peut se dire c'est mignon, et puis après on se dit merde, j'espère qu'ils vont pas commencer à prendre des mauvaises habitudes. Et le problème c'est que Nintendo prend tout le temps des mauvaises habitudes. Du coup voilà, j'espère pas retrouver trop de personnages d'animés dans Gazou, Mario. Là, lui il se gratte l'oreille, c'est gratuit. Non, parce que on peut parler vite fait des personnages oui, de Smash Bros. Si la merde elle est gratuite, t'en prendrais ? Non, mais c'est gratuit, voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais non, mais je suis d'accord, si c'est gratuit, je prends alors. C'est gratuit, mais par exemple, ça dénature un certain aspect du jeu. Est-ce que ça te fait plaisir ? Non, pas du tout. Voilà. Mais je suis d'accord avec regarde là dans les yeux, et dis-moi que t'es content de ce pixel art. C'est vrai que le pixel art est complètement dégueulasse. Voilà, on est d'accord. Mais c'est gratuit. Voilà, fuck Mario, mais je vous aime. J'espère que vous n'avez pas encore plus brisé mon enfance. Voilà. Ah si, et pour terminer, un petit coup de gueule pour Ubisoft. Alors, non, là, j'ai un peu la rage, je dois l'avouer. Alors, je suis très content. Attendez, je coupe la zig. Ça va être très content, solennel. Je suis très content avec The Division. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup joué, et franchement, on a trouvé ça très bien. Par contre, gros coup de gueule sur Rainbow Six Siege. Alors, perso. je l'ai sur PC. Tu joues encore, ça? J'essaie d'y jouer. Et le problème, c'est que leurs serveurs sont complètement pourris. À trouver des gens en serveur. Bah oui, beaucoup. Mais quand ça arrive à se connecter. Mais il y a tout le monde qui joue à Rainbow Six Fauteuil. La vague utilisée. Est-ce que les gens avec qui tu joues te disent tout le temps Cyclabilat ou un truc dans le genre? Cyclablast. Ça veut dire quoi, ça? Allez, babar! ça veut dire quoi, ça, non, Cyclablast? En fait, c'est parce que, en général, tu joues avec des Russes et Cyclablast, ça veut dire fils de... Non. Non, il y a pas mal de Français, alors pour ça, ils arrivent bien à sectoriser, on va dire, les pays. Donc, tu joues avec des Français et très peu d'Anglais. Par contre, les serveurs, c'est de la merde. C'est un jeu multijoueur, mais c'est de la merde. Je crois qu'ils ont sous-loué avec ceux qui s'occupaient des serveurs de Capcom pour Street Fighter V. Oui, oui. Non, mais honnêtement, je vous dis, le jeu, il est sorti le 1er décembre 2015. Aujourd'hui, on est le 23 février. Ouais. Ouais, 23 février. Les serveurs ne marchent toujours pas. Ah ouais, quand même. Ah non, mais c'est franchement foutage de gueule. Et j'ai même pas passé 10 heures sur le jeu parce que je peux jamais me connecter, quoi. Ah putain, c'est la loose. J'espère qu'ils vont faire un effort pour Tu te fais kicker du serveur ou tu te connectes sur le jeu. Il dit, ah ben désolé, c'est en maintenance. Le truc est toujours en maintenance. Donc Ubisoft, je sais que vous nous écoutez tous les mardis. Je sais que vous regardez tous nos streams, etc. Alors, honnêtement, s'il vous plaît, faites un truc parce que c'est pas possible pour un jeu multijoueur. PDG d'Ubisoft qui va arriver, tu sais, face au grand patron. Ouais, dans la voix du geek, il se plaint, là, faut absolument qu'on, faut qu'on fasse quelque chose. Là, il y a Dandy, il est en colère. Il est vénère. Non, mais je sais parce que le peu de fois où j'ai réussi à me connecter, les joueurs, ils en peuvent plus non plus. Tu te connectes sur leur Twitter, pareil, pour suivre le service technique et t'as que des problèmes tout le temps. Tellement qu'on l'a appelé le service technique. C'est gros coup de gueule et franchement, je suis hyper déçu parce que pour un jeu multijoueur, avoir les serveurs qui merdent, c'est juste la mort du jeu, quoi. Carrément. Et pourquoi tu joues pas un autre jeu, du coup? Bah parce que je les ai finis. Bah ouais, parce qu'il a envie. On dirait un psychopathe, c'est je les ai finis. Je peux pas jouer à autre chose. Clément, il a acheté la Play, il a 7 jeux, il a 7 platines. Oui, c'est vrai, ouais. Non, j'ai un peu plus de jeux que ça, mais non, après le truc c'est que t'achètes un jeu, t'as envie d'y jouer. J'ai même pas passé 10 heures dessus, ça me fait chier, quoi. Je comprends, mais il y a tout un tas d'autres alternatives mieux, donc. Ouais, se mettre un doigt au cul et puis le tourner et puis attendre que ça passe. C'est ce que je commence à faire. Il est pas content, hein. C'est ce que je commence à faire, tiens, sans. Ubi, ça va trop loin. J'avais envie de lui dire, au lieu de passer 10 heures, tu pourrais passer Spotify, mais je me suis abstenu de cette vanne totalement pourrie. Mais on a un jingle, alors ça va. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Non mais je comprenais pas, mais voilà. Ok. Allez, bon, ok, c'est parti pour le coup de gueule. Ok. Moi, il y a un truc qui me chagrine et qui me chiffonne depuis un certain temps sur Street Fighter, parce qu'on va en parler dans un instant. On va faire une petite rétrospective de tous les jeux de la licence. Il y en a un bon paquet, je pense. Il y en a à vue de nez. Oui, beaucoup. Non, si tu parles des Street Fighter, pas les spin-off. Hein. Moi, je parle que des Street Fighter pur jus. 5. Il y en a 5. Ah oui, bah oui, dans l'idée, oui. Voilà. Ça, c'est la vie d'un joueur Nintendo, monsieur. Il y a ça qui est là. Mais on va voir ça dans un instant. Mais moi, il y a un truc, je me pose la question. Ah. Il y a un truc assez étrange. 1991, je sais pas quel âge. Dis donc. T'es une panthère rose. J'ai pris cher. Moi, oui. Et une panthère rose sauvage apparaît. Dans la cour de récré. On s'amuse bien, on imite nos personnages préférés. Mario, Zelda, Link, Alec Fou. Et il y a quelque chose dans la cour de récré, justement, ça y va, des Ayuken, des Kanaskankun, des Koukpouy de Honda. Mais il y a un truc que j'ai jamais compris, bordel de merde, qu'est-ce qu'il dit Ryu quand il dit... Attaque napolitaine. Je peux répondre à cette question. Pareil. Alors en fait, il dit Tatsumaki Senpu Kyaku. Bravo. Tatsumaki Senpu Kyaku. Voilà. Bravo. Donc ce qui veut dire le coup de pied retourné de la tornade, en gros. Voilà. Hurricane kick. Ah, c'est bien, tu sais, les mecs, à chaque fois qu'ils font un mouvement, ils disent ce qu'ils font. Je fais pipi. Je me lave le visage. Dans le jeu, à l'époque, était très mauvais, donc ça s'entendait pas très bien, mais il disait bel et bien Tatsumak Senpu Kak. Donc Tatsumaki rapidement Senpu Kyaku. D'accord, parce que ce que j'allais te demander, c'est ce qu'on entend vraiment. C'est ce qu'on entend vraiment. C'est ce qui est marqué dans la liste des commandes, d'ailleurs, même aujourd'hui encore. Kalatkatkatku. Moi, aussi sur Street Fighter, j'ai un tout petit coup de gueule. Mais t'es pas obligé de mettre la musique de l'inspecteur, hein, t'inquiète. Non, t'inquiète. Voilà. Non, Street Fighter 5, pour moi, c'est vraiment le jeu, un des plus beaux jeux qui se fait en ce moment, par rapport à son traité graphique. Vraiment, je trouve magnifique, j'adore ce jeu juste pour ça. Juste pour les chara-design, juste pour son univers, tout ça, et surtout, c'est les shaders qu'ils ont utilisés dans les opus depuis les nouvelles consoles. Mais voilà, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que le jeu devient de plus en plus réaliste et ça choque personne qu'on continue à enchaîner un mec dans un coin de caméra alors qu'il y a encore du décor derrière. Non. C'est le principe justement de fonctionnement du jeu de combat 2D. Mais sauf que ça n'a plus aucun sens. Mais quand tu vois les scènes qui se passent dans le coin justement, pour un peu que t'as le bus derrière toi, et quand tu vois ce qui se passe dans le bus. Ah oui, oh là là, oui. Le bus à droite, les deux personnages en blanc à droite dans le bus. Donc ils font clairement une levrette, quoi. Voilà. Enfin non, c'est ce que tout le monde a vu. C'est pas là où je voulais en venir. Et c'est deux mecs. Oui, c'est deux mecs. En fait, il y en a un qui est au bord de la vitre et qui fait visiblement coucou, hein. est un peu penché en avant, et t'en as un autre derrière qui lui aussi visiblement fait coucou. Mais debout. Mais debout, voilà. Et il est bien aligné derrière, quoi. Donc peut-être que je vois le bien partout. Ah ouais, ça me choquait un peu. Voilà. Et puis à part ça, faut pas le censurer, bon enculé. Voilà, c'est bon. Mais allez. Tu trouves ça normal déjà qu'un personnage puisse rebondir sur le bord de ton écran d'ailleurs. Et oui, de voilà, la même c'est façon. Ça, c'est hyper bien ça... fait, hein. C'est tout aussi normal qu'un personnage puisse lancer des boules de feu ou puisse rester statique. Oh, en l'air. Voilà, tout de suite, l'argument zéro. Moi, hein, j'arrête pas de penser à Dalsim et son zizi élastique, hein. Forcément. Non, ok, très bien, ça choque que moi. Ouais, carrément. Allez, tiens, on va s'envoyer la bande son de Street Fighter. Et puis, Tagazu, tu vas nous parler un petit peu de tous les épisodes qui sont sortis. C'est parti, sous l'œil amusé de Strider. Carrément. Le roi de Street qui va me reprendre. Et là, mon gars, je t'envoie la bande son. Attention chez vous, toi qui es dans donc, ta voiture, qui nous écoute. C'est parti. Toi qui nous écoute tous les mardis dans la voiture, monte le son, tu baisses les vitres, il pleut, c'est pas grave, enlève la capote, tout. Allez, vas-y, Tagazu, mon gars. Qui te parle, allez, qui te fait la rétro de Street Fighter, c'est parti. 1987, Street Fighter 1. Parce que oui, il y a eu un Street Fighter 1, on l'oublie un peu. Il faut l'oublier parce que c'est juste un beat'em all à la Double Dragon sans intérêt où il y avait juste Ryu qu'on pouvait choisir. Ah d'accord. Roux, oui, voilà, il était roux en plus. Oh, sérieux? Un Ryu mais oui, mais roux. Putain. Et en fait, c'était pas du 1 contre 1, donc à vite oublié, il est passé un peu inaperçu. Mais je viens juste de tilter qu'en vrai, c'est vrai, mais j'ai connu que Street Fighter 2, moi. Mais c'est la question, la question que tout le monde me pose, enfin souvent, c'est oui, les suites, c'est toujours moins bien que l'original. J'ai fait, mais pensez à Street Fighter 2. Street Fighter 2 est très connu, Street Fighter 1 est passé complètement inaperçu. Et tant mieux, parce que c'est un... très moyen jeu. Street Fighter 2 en 1991, donc t'en parlais. Oui, en je l'ai encore. Bon bah là, les coups spéciaux, le choix important des personnages, c'était important à l'époque. Il y en avait 8. Ouais, il y en avait au début, il y en avait 8. Voilà, on va revenir pour Street 5, mais voilà, ça faisait beaucoup 8 à l'époque. Et oui, oui, oui. Et surtout le charisme. Voilà, c'est alors ok, c'est un peu cliché des fois le Honda japonais. Mais moi j'adore moi. Mais je trouve que voilà, ils ont du charisme, les frères Ryu et Ken qui se battent, enfin voilà. Et surtout les personnages sont immédiatement identifiables. C'est voilà. Ce que beaucoup de gens oublient par rapport à l'époque où les jeux sortaient. C'est ça, c'est les personnages, vous pouvez directement les reconnaître avec leur propre style, leur propre. En même temps, Blanquer en vert. Et ils étaient tous liés en plus par rapport à la map monde. Chacun avait un pays et ils avaient vraiment une identité qui reflétait le pays duquel ils venaient. Ouais, carrément. Un facteur identitaire important et un code couleur simple, c'est ce qui a permis de... Et les spéciales, les coups spéciaux. Qui moi-même je savais pas qu'on pouvait en faire et tout d'un coup un soir un pote en a fait un oh mon dieu on fait des boules de feu mais c'est génial ouais et donc voilà le célèbre caravant et point qui fait le Hadoken donc voilà tout le monde le connaît maintenant. Donc après plusieurs suites, alors là Strider va me reprendre, les Street Fighter Prime, Street Fighter 2 Prime, Super Street Fighter 2 Turbo Championship. Oh non. Et... oui mais et après, voilà, après on critiquait les Naruto. Street Fighter 2 Turbo, voilà. Et même donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Super Street Fighter 2X, c'est ça ? C'est ça. Qui est encore joué de nos jours en mode compétition. Et je vous conseille de regarder cette superbe vidéo du tournoi des légendes fait par Usul sur le parcours de Volmar à l'Evo 2012. Et voilà, ça donne un petit peu une idée du versus, de la scène versus fighting de nos jours et qu'on peut encore jouer à ce jeu, même au niveau compétition. Donc voilà, il faut vraiment regarder cette vidéo. Après, il y a le Street Fighter Alpha. Est-ce que j'en parle ? Parce que c'est vrai que Street Fighter Alpha ou Zero en Asie qui reprend en fait l'histoire avant Street Fighter 1. Je sais pas si vous y avez joué. On a un Ken tout jeune avec une queue de cheval. Non. Voilà un Ryu avec un peu de barbe. Voilà. Donc il a pas laissé Il a bien fonctionné aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe ça a pas été la grosse explosion telle qu'on peut l'avoir. Voilà, vu je avec sais que dans Street les associations, on n'y joue pas forcément encore. Et alors là, on va passer vite, mais ça me fait rire, le Street Fighter EX. Vous savez, celui qui était en 3D, là, non. 96. Vas-y, raconte. Ah bah, il n'était pas super. Enfin, moi, j'en ai pas un super souvenir. Il était très cubique. Voilà. Il faut savoir qu'il a été fait par Capcom et développé par Arika, qui avait déjà fait un jeu qui s'appelait Fighting Layer. Et en fait, ils se sont associés pour associer des personnages comme Blardane, Kerry de tête ou Scullomania, qui venaient du jeu Fighting Layer. Et ça fait un Capcom... voilà, un Hadoken cubique, génial. Un jeu avec Capcom. Voilà, c'est en 3D, c'est génial. Street Fighter The Movie aussi, magnifique, avec Jean-Claude Van Damme. Ever. Alors là, on est au top. Là, je dis oui. Les acteurs digitalisés à la Mortal Kombat, enfin, il y avait tout. Mais moi, j'ai adoré, moi. Ah ouais, le jeu est joué et encore joué. C'est une pépite. 97, Street Fighter 3. Alors, il est passé un peu inaperçu, mais il est très important pour le versus fighting parce que il y a une célèbre vidéo. Vous ne contredirez pas les pros de Justin Wong contre Daigo. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. À l'Evo 2002 où Daigo, une des légendes du jeu de combat, part le super combo de Justin Wong alors qu'il lui reste un tout petit peu de vie. Voilà, cette vidéo, je trouve c'est un des piliers du versus fighting. Il y a plein qui se sont mis à rejouer à Street Fighter grâce à cette vidéo. Okay. C'est au tout début de YouTube. On arrive en 2008, je vais très vite, hein, sur bon, le Sword Strike, c'est la version la plus connue de Street Fighter 3. Et on arrive en 2008 avec Street 4. Et c'est Ultra, voilà. Ils ont mis des oui, Ultra. Des jauges en plus. Voilà, des jauges en plus. En fait, là, c'est vous me dites si je dis des bêtises, mais c'est on fait un mouvement et si ça passe, on a une petite animation. Et là, voilà, l'adversaire perd quand même pas mal de jauges de vie. Ça a été bien accueilli, ça, par les joueurs. Oui, quand je dis par les joueurs, Street c'est surtout 4 a quand même relancé le versus fighting en France. Un joueur qui est en train de mourir vraiment clairement et le jeu a remis en avant les jeux de combat et ça a permis à beaucoup de licences ensuite de revenir sur le devant de la scène. Je pense au King of Fighters, à BlazBlue, nouvel épisode Guilty développé et à faire vendre aussi des sticks arcade. C'était pas forcément quelque chose. On en parlera, mais ça a l'air d'être un peu le même phénomène sur Street 5. Là, depuis une semaine, c'est sorti et apparemment, il a beaucoup d'appels au niveau de l'association. Parce que tu les fabriques, les sticks ? On peut se fabriquer son propre stick, mais il est plutôt recommandé d'en acheter un dans le commerce. Ah, écoute bien, Goustic, tu peux, parce qu'il se lastique beaucoup, lui, le stick. J'ai une petite question, On peut le lustrer aussi. Tu peux t'en fabriquer. Tu peux te lustrer le stick. J'ai une petite question pour vous trois. J'avais chopé sur une brocante, il y a des années de ça, Super Street Fighter 2. International, alors c'était sur Prodeo peut-être. Non, c'était sur Super NES. D'accord. Mais c'est un jeu japonais. Oui. Donc peut-être qu'il avait pas la même appellation que le jeu européen. Alors je sais pas si c'est pas Championship qui s'appelait International en japonais ou celui que t'as eu, ça doit être Super Street Fighter 2 The New Challenger sur Super NES. Je pourrais pas te dire. Et celui-là, il se classe comment par rapport aux autres? Alors c'est le dernier épisode sorti sur Super NES. Ouais. Donc du 2 en fait, avant la sortie du 3. Non, en fait c'est le quatrième Street Fighter 2, il y en a eu 5. Il y a eu World Warrior, Champion Edition, Cyber licence, Fighting, quoi. Super Street et Super 2X. Il y a eu 4 Street Fighter 2, il y a eu 8 Street Fighter 3. De la série des 2 c'est en compliqué, fait. Ouais. Mais okay. C'est le dernier sur Super Nintendo et c'est le jeu qui propose le roster entier de 16 combattants, oui, ouais, comme dans ça. Street 5. Qui fait arriver les 4 nouveaux challengers, Felon, Kiyok, Camille et DJ. On va dire que le dernier Street Fighter 2 sorti de Super NES, sachant qu'il y a eu Street Fighter Alpha 2 sur Super NES qui est, voilà. Sorti, okay. Qui est très rare aujourd'hui. Qui est impossible si vous l'avez gardé. Ouais. Et le 4, dans le 4, alors si je dis pas de conneries, parce que j'y avais joué sur PC aussi, il introduisait Yuri, non ? Qui était une nouvelle combattante. Juri, je sais pas comment on l'appelle, mais Dans Super Street Fighter 4, il y a arrivé Juri. C'est ça. Et elle existait pas avant? Non, c'est enfin, moi je sais que dans le 2 sur NES, non, mais qui vient d'arriver uniquement dans Super Street Fighter 4. Et elle est dans le 5 aussi ou pas? Elle va arriver très bien prochainement. D'accord. Il y a une politique de DLC en fait où par mois dans Street Fighter 5, on va en parler après, hein. Il y aura un perso par mois, donc dès le mois de mars, un nouveau perso va arriver. Puis en avril, mai, juin, jusqu'en octobre. Moi, il y a un truc qui m'a bouleversé dans les Street Fighter, et donc pendant donc, ma prime adolescence, c'est à un moment donné, j'ai appris qu'en fait, Monsieur Bison n'était pas Monsieur Bison, et Monsieur Vega n'était pas Monsieur Vega. C'est une belle anecdote. D'ailleurs, en versus fighting, voilà comment ils sont appelés les joueurs à l'international. Ça me Il y a eu une petite erreur. En fait, Mr. Bison, Mike Bison, c'était un anagramme de Mike Tyson, le boxeur, voilà, devait s'appeler donc forcément Mike Bison à l'international, mais Capcom a eu peur d'un procès et a modifié en fait les noms de Vega, Bison et Balrog, qu'on appelle le point, la griffe et la cape, pour être d'accord sur le nom des persos à l'international. Parce qu'ils ont, sinon ils auraient eu des problèmes avec les frérots de la Vegas. Exactement. Les frérots de la Vega. Ou Diego de la Vega ou les Susan de Vega aussi, ça marche. Diego de la Vega, j'avais oublié celui-là, quoi. Donc c'est sûr que oui. Donc effectivement, Mr. Bison qu'on connaît nous, donc en tant que dictateur et le boss final du jeu, c'est Vega. Voilà. Balrog, c'est donc Vega avec la griffe. Et Mike Bison, le boxeur, ça devient Balrog. Voilà, ben moi ça m'a tout. Moi j'ai lâché après ça. Parce que Balrog, c'est aussi le boxeur dans Killer Instinct, non ? Non, c'est TG Combo. Ah non, c'est TG Combo, je comprends. Ils sont, voilà, ils sont des noms. Ouais. C'est vrai, je rebondis sur ce que dit Kogu. Ça m'avait choqué aussi parce que, en jouant, parce que moi j'avais joué qu'au à l'épisode de la SNES, donc ouais, comme je vous disais. Mm-hmm. Et après, j'ai joué au 4, j'ai pas fait le 3. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un problème, les noms ils sont pas pareils. Et les noms des persos ont été changés, oui, effectivement. La cartouche était japonaise. Et oui, voilà, c'est ça. Et ouais, au et ouais, véritable nom, carrément, les origines. Quoi. Donc moi, du coup, je carrément me suis dit, ben, soit le jeu est planté, soit je suis shooté, je comprends pas. Non, c'est dur. Mais ouais, c'est, c'était bizarre. Hein. C'est très dur de faire un comeback de nom, ouais, ou d'uniformiser un nom après coup. Sega l'a fait avec le docteur Eggman, Robotnik. Ouais, exactement. Enfin, ils ont décidé après 2002 de mettre Eggman point sur tous les jeux Sonic. Ouais, il a pas arrêté de changer de nom lui. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y avait Spoutnik dans la série animée aussi, il l'appelait comme ça. Yes. Ouais, oh, ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. C'est hyper discutable comme surnom. J'adore cette musique. Et tu disais un truc qui t'obsède. Moi, il y a un truc qui m'a toujours obsédé sur Street Fighter 2 sur Super NES. C'est la meuf qui passe en vélo derrière. Dans le niveau de chaîne. Ouais, c'est grave. À chaque fois, je me dis, mais où elle va, la meuf? Où elle va? Elle passe de comme ça, hop, et après, on n'a plus de nouvelles. Il y avait même un niveau, je crois, sur la plage où on voyait Pac-Man dedans. Dans Street Fighter? Ouais, mais sur un vieux. Sur un vieux Street Fighter. J'avais vu ça sur une émission. Les légendes urbaines de. Non, je te jure. Ressurgissent. Mais non, j'avais vu ça sur un. Et Tomb Raider, il paraît que si tu fais un cheat code, tu pourrais voir. Elle est à poil. Trop pas. Je mais c'est un ce jeu que je Capcom, c'est les spécialistes des easter eggs dans les décors. Et c'est vrai que dans le niveau de Ken, effectivement, sur le bateau, jusqu'à Hyper Fighting, parce que dans Super Street, ils ont refait le bateau. C'est un super paquebot. Alors comment c'était une vieille bicoque. T'as un personnage qui a une espèce de strange coat, donc l'imperméable, qui a un masque et qu'on voit très loin et qui est en fait la source d'inspiration du personnage de Q dont parlait Tagazu tout à l'heure dans Street Fighter 3. Pour non, il a pas prouvé. Non, malheureusement, Pac-Man n'était pas dans Pac-Man le jeu. Mais il aurait pu. Mais aurait j'avais pu. Vu. Bon, c'est pas grave. Mais parlons Street Fighter 5. Oui, carrément. Allez, je vous fais le tour du propriétaire. C'est édité, développé par Capcom. C'est sorti le 16 février. C'est un FPS. C'est, c'est un jeu de tatane, ma gueule. C'est un jeu de combat. Moi, voilà. Je vais vous laisser. Vous êtes un peu les spécialistes. Dans 4 minutes, on s'écoute The Tramps. Est-ce qu'on fait un petit point avant de commencer sur peut-être les nouveautés qu'il y a dans le 5 par rapport au 4? Pendant 3-4 minutes. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec The Tramp? C'est le fait que ce soit un jeu de combat. Au début, j'ai failli dire la crampe en plus, que j'ai mal écrit. La crampe au doigt. Est-ce qu'on peut parler vite fait du V-System, Strider? Alors, pour faire simple et très rapide, donc Street Fighter V, ça introduit 16 combattants, un système de combat qui est basé sur 3 grosses nouveautés qui s'appellent les systèmes V. Le premier, c'est le V-Trigger, c'est une activation. On a 2 jauges, une barre en bas qui correspond à 3 pastilles. Ça correspondait au bar dex qu'on avait dans Street Fighter 4 qui renforçait les coups. Soit on en consomme une et on fait un coup amélioré, en gros, soit on prend tout et on fait un coup super, qui correspondait à l'ultra de Street Fighter 4. On a également une barre rouge qui s'appelle la barre V et qui permet, en consommant toute la barre qui est à taille variable suivant les personnages, soit d'activer une espèce de moment de phase, donc qui est timé d'une dizaine de secondes, qui soit renforce les actions du personnage, soit apporte une amélioration. Donc ça change du tout au tout, hein. Donc pour Ryu, ça lui permet d'électriser ses coups et de les garder chargés. Pour Chun-Li, ça permet de rajouter des coups sur n'importe quelle action. Donc c'est à vous de choisir un personnage en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez également avoir un contre qui consomme une de ces pastilles, qui permet de renverser une action à la manière de Street Fighter Alpha, un épisode d'une saga précédente, qui permettait de faire un contre instantané pour vous sortir des situations difficiles. Et puis vous avez une action qui ne consomme rien du tout, qui s'appelle le V-Skill, et qui permet donc d'utiliser, quand vous le voulez, une espèce d'aptitude qui vous permet de renforcer votre personnage. Pour Charlie, pour Bison, ça lui permet d'absorber une boule d'énergie et de la renvoyer 2 fois plus rapidement. Pour Ken, ça lui permet de donner un coup ou, en maintenant la touche, d'avancer, ce qui lui permet de lui demander de lui amener plus d'options de jeu, notamment de combo, où il a la nécessité d'avancer, de courir pour rattraper sa cible. Et donc grâce à ça, bah, vous avez un jeu qui peut être, à la base, statique tel qu'on le voit, mais qui se veut beaucoup plus dynamique dès qu'on regarde justement des streams ou des gens qui ont l'habitude de jouer. Dès que tu te mets un peu dedans, il y a des subtilités quand même, c'est pas juste t'appuies sur tous les boutons. C'est niveau de lecture en fait. Exactement. Ouais, carrément. Une couche de gameplay superposée, si on peut dire ça comme ça. Bon, on s'écoute le Scud maintenant, allez, c'est pas grave, on est un petit peu en avance, on fera le point sur l'histoire, parce que ça m'a un petit peu chiffonné. Ça, on va rigoler. Je suis bon, quand même. Je suis bon public, mais là, faut quand même pas déconner, quoi. Genre, le coloriage, ça va, quoi. Non mais c'est un peu ça, hein, franchement. Alors attendez, je retrouve la bande son. Hop, tac, tac. Allez les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après The Tramps et Disco Inferno. Moi je m'en vais, moi, je vais glisser sur le carrelage. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. 91.3. Radio. Écoutez Eau de Radio, écoutez sur 91.3. Allez, on est de retour, toujours en direct hein, sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eau-de-radio.net pour le reste de la Gaule. Toujours en direct sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E, on est en direct et en image, une caméra avec nous dans les studios. On finit un petit peu de parler, je m'écarte un petit peu, c'est très radiophonique, toi qui nous écoutes dans ta voiture, tiens prends ton téléphone, mets-le sur le pare-brise et puis regarde-nous en écoutant. On est beaucoup suivi le mardi par les chauffeurs de bus qu'on embrasse. On les embrasse. Tiens, gros salut. Qui nous regardent, qui regardent les streams en conduisant le tramway. Je n'ai jamais fraudé le bus de ma vie. C'est vrai ? Eh ben on peut l'applaudir. En conduisant, ça fait C'est complètement peur, faux. Hein. Je frauderai le tram ce soir. Ah, voilà. Alors, il est dit, quelle heure il est? Il est 20h05. Vers 21h, il y aura un mec un peu petit avec un bonnet, qui va prendre le tram sans payer, hein. Je vous déconne pas, j'ai pas ma carte non plus, je l'ai paumé. Indication téléspectateur chez vous. Alors, je vous fais un petit, les gens de la TBC qui nous écoutent, un petit indice. Ce sera pas vers la victoire. Voilà. Ah, ils appellent. Attends, bouge pas. La régie. Restez bien avec nous parce que là, on parle de Street Fighter et après, on se fait un petit kiff. On va se faire un petit karaoké géant, quoi. On va essayer de faire vite, un petit karaoké géant, ouais. Ce que tu entendais par faire parler nos organes, c'est ça? Oh, ah non, ça c'est après, ça. Ah, c'est après. C'est moi je m'attendais à ça. Il y a un after, je reste. Il y a un after. Tiens, pour ceux qui se demanderaient, c'était The Tramps Disco Inferno, qu'on vient de s'écouter. Le son est un peu pourri, c'est normal, c'est hyper vieux. Tu sais, c'est toujours les vieilles bandes, tu sais, où le son il ralentit, il accélère un peu, tu sais, ça fait, voilà. J'aime bien, ça me fait kiffer. Allons, on se rebalance la bande son de Street Fighter derrière. Si elle veut bien partir. Oui. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit point sur l'histoire? Alors, très rapidement, le Street Fighter 5 chronologiquement se passe après le 4, mais avant le 3. C'est ça. Alors, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois on aime bien que tu viennes quand même. c'est spécial. En fait, je vais vous expliquer très vite. Donc, en gros, il y a Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 3. Les jeux chronologiquement se suivent. Quand ils ont sorti Street Fighter 4, ils ont décidé de faire un prologue à Street Fighter 2. Donc, Street Fighter 4 se passe avant Street Fighter 1. Ok. Ensuite, Street Fighter 5 arrive, qui est le prologue de Street Fighter 3. Donc, il se passe après Street Fighter 2. Mais également avant Street Fighter 3. Moi, j'ai une petite question. J'imagine trop quand ils font la timeline après chez Capcom. C'est ça. Vas-y, Street Fighter 7, ce qu'on fait, il est entre le 3,5 et le 12. Comme dans les Star Wars. Non, mais c'est trop ça, quoi. Non, mais comment ils comptent justifier le fait que Ken, il ait changé totalement d'apparence pendant quoi, du coup, 5 ans, et puis après il redevient normal? Oui, en fait, c'est pas forcément si incohérent, parce que quand on voit le Ken de Street Fighter 3, il est quand même beaucoup plus âgé et très différent d'ailleurs de celui qu'on voit dans le 5. Très différent de celui du 2. Ouais. Donc, on peut se dire qu'entre les deux, il a pu avoir une phase où il a décidé de mettre des joggings. C'est pas si je pense. Et Ryu, il a une barbe ou pas? Il était en mode détente. J'ai vu un skin. Ryu n'a pas de barbe, mais c'est un costume alternatif. D'accord, ok, ouais. Mais là-dessus, objectivement, ça fait partie des choses où il n'y a pas trop de défauts. C'est à peu près cohérent. Sauf que parfois, ils se permettent des espèces de dream match où ils vont introduire des personnages qui n'ont rien à voir avec la chronologie. D'ailleurs, il y a des costumes alternatifs complètement honteux pour les femmes. J'ai vu l'article de Laura. Que font les ligues féministes? Qui est magnifique. C'est la brésilienne. La brésilienne. J'adore la brésilienne. C'est un des personnages les mieux étudiés, Bonita. Alors, justement, les costumes d'Halloween sur le dernier Street Fighter, là, ils étaient géniaux. Oui, c'était marrant. Yes. Justement, on va parler du roadster, donc de la liste des personnages, parce que comme vous venez de le dire, les nanas, moi ça me fait rire, parce qu'alors c'est plus des tchouches. Là, on n'est pas loin de la pastèque quand même. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et puis la brésilienne, j'ai perdu son prénom. Laura. On va l'appeler, comment il s'appelle? Laura, comme dirait Jen. Laura. Non, mais le slip, plus échancré, ça existe pas, quoi. Non, je pense qu'ils ont un petit peu abusé. Bon, c'est Belgus, donc le car designer qui s'est occupé du design des personnages. Max, arrête de jouer avec ton micro. Les légendes dans les Capcom. Mm-hmm. Mais après, c'est vrai que quand tu vois le design de Laura, tu te dis, ils ont dû vouloir faire un mélange pour les fans d'anime, de porno, enfin, c'est étrange. Honnêtement, ils sont nombreux à nous écouter. C'est bizarre, c'est très bizarre. Parce que globalement, les personnages sont assez originaux, il faut reconnaître. Hein. Les 4 nouveaux personnages, je sais pas ce que t'en penses, trailer. C'est exactement ça. Mais les designs sont quand même. C'est très difficile de chara-designer un personnage qui ne ressemble pas à un autre personnage et qui va plaire à du monde. C'est ce qu'avait fait le tour de force, justement, Sagazu, je crois, qui disait ça. Dans Street Fighter 2, c'était de pouvoir créer un mouvement identitaire où il fallait trouver des personnages qui pouvaient représenter des pays et que les joueurs soient fiers. Des styles de combat aussi différents. Voilà, le fait d'avoir créé Ryu et Ken. Représenté, quoi. Le fait de faire deux personnages très bons qui font le même art martial et que l'un soit américain et l'autre soit japonais. La force tranquille japonaise, le côté exubérant américain, Ken Masters, voilà. C'était le fait de pouvoir aussi amener une communauté derrière des personnages comme ça. Et là, c'est vrai que... Il y a une image, d'ailleurs, un sujet qui traîne sur Internet, très rapidement, je vais pas rentrer dans les détails, qui montre les personnages de Street Fighter uniquement représentés par des carrés et des traits. Et on les des carrés avec des traits de couleurs. C'est tout, hein. Et tous autour de dans cette pièce, carrément. Pour reconnaître trois carrés. Instantanément les personnages. Mais je crois qu'ils ont fait pareil pour les Tortues Ninja, non? Ça existe pas, ça? Oui, ouais, pour les Tortues Ninja aussi. C'est intéressant parce que c'est justement le genre d'exercice qu'on t'apprend quand on t'apprend à faire du chara-design. Ah, d'accord. À savoir qu'un personnage soit identifiable juste par rapport à une forme ou par rapport à des couleurs très définies. C'est ce qu'ils avaient fait aussi pour Mirror's Edge avec Faith, où tu devais justement, t'avais un petit carré, il était blanc, t'avais du noir et du rouge. Et tu savais que c'était elle. Ouais, ouais. Voilà. Exactement. Ça fait partie d'une gamme de couleurs qui fait partie de la bible graphique après. C'est ça. Alors après, c'est vrai que après coup, après plus de 30 ans, on peut se dire que les personnages, c'est vrai qu'ils sont un peu caricaturaux, etc. Mais c'était voulu comme ça. C'était fait exprès. Si, en fait. Dans Street 4, ils ont quand même évité de mettre le français avec une baguette de pain. Ça, c'est vrai. Quel dommage. Ils ont fait l'effort, ils ont réussi à éviter. Les Japonais ont une image du français très caricaturale. Ils voient les Japonais français comme des jeunes un peu efféminés, blonds, aux cheveux longs. Bah, tout nous, quoi. Mais ils essayent justement de mixer des origines même de personnages, tu vois. Pour pouvoir toucher un large panel. La communauté, par exemple, latino-américaine est importante, tout ça. Vega, ils l'ont créé comme un ninja espagnol. Moi, je l'aime bien, Vega. Voilà, pour pouvoir mixer différentes cultures sur un personnage. T.O., quand ils ont créé les quatre nouveaux personnages, trois ont été créés au Japon, un aux États-Unis. Ouais. DJ a été fait aux États-Unis. Ils ont fait T.O.K. en indien. Comme ça, ça touche la communauté, justement, mexicaine et la communauté pakistanais amérindienne. Oui, on rassemble beaucoup de monde derrière un personnage, un thème, un décor. D'ailleurs, quels sont les quatre nouveaux persos là, de Street? Alors, il y a Fang, donc Rashid. Fang, une espèce de personnage qui ressemble à Tao Pai Pai, un peu ressemble à une noix un peu de Dragon Ball Z. Donc une espèce de mec super grand, de faire plus de 2 mètres, hyper fin, avec un visage qui ressemble vraiment à un corbeau. Oui, alors d'ailleurs à ce sujet, son visage, il me met mal à l'aise. C'est un truc de malade. Je n'aime pas ce design, moi je déteste. Franchement, il a un visage mais qui est presque ultra réaliste. Ouais. Enfin, je sais pas ce qu'il a ce bonhomme, mais quand tu regardes les autres, ça fait pas. Là, quand il te regarde, c'est malsain. Il y a le côté comics, parce que le perso est un peu inspiré d'un personnage d'un jeu de Capcom qui s'appelle Vampire, Savior, ou Darkstalker en Europe. Ok. Où il y en a un fantôme chez les japonais, donc Eisenko ou Lailai sur la version, et qui a des grandes manches comme ça. Et il y a toute cette commune, cette culture du mythe mystique qui est transcrite vers ce personnage, qui empoisonne les autres justement. Parce qu'il a vraiment un visage chelou. Et lui, il est chinois ou il est japonais? Il est chinois, c'est Fang. Il se peut être chinois. Il se peut être chinois, voilà. C'est le dernier. Il a vraiment un style vestimentaire chinois. Niveau caricature, ils sont en plein dedans pour chaque pays. Ah ouais, si Fang représente la Chine. Un petit peu. Ouais, donc à la posée de la finesse. Même s'il y a quand même Chun-Li qui est la chinoise. Ça coule en soi. Qui a pas maigri les cuisses, Chun-Li. Quitte à faire des stéréotypes, autant vraiment taper dedans. Bah ouais, carrément. Donc du coup, après, dans le deuxième perso, il dit on a Laura, donc Brésil, qui est la sœur d'un personnage de Street Fighter 3, Shun. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nekali, on a Nekali. Donc c'est bien au niveau des représentations et des gameplay, on est sur quelque chose de différent. On a un perso qui est fin et tactique, Feng très dur à prendre en main. On a Laura qui est très vive, des coups électriques, des coups de coude, c'est un mélange de mais très sommairement de Blanca et de Viper, qui sont Viper. Donc c'est vraiment très sommaire quand je dis ça, mais ça vise un public large. On a Nekali, c'est un peu un personnage. Quand on le regarde physiquement, c'est un peu un dieu aztèque. Il fait celui qui a les cheveux. Mais lui, il a l'air Vénère. Voilà, Bob Marley vénère. Voire très vénère quand tu utilises le trigger où il a une. Alors là, graphiquement, c'est Sangoku avec des cheveux rouges. Super Saiyan qui est extrêmement bien représenté avec des cheveux animés indépendamment. Ouais, il a des dreadlocks un peu électriques. Justement, du coup, ces persos qui sont un peu overcheatés par rapport à l'histoire, etc. Lui, limite, c'est quasiment un dieu à côté d'autres, quoi. Est-ce que ça fait qu'au niveau du gameplay, parce que je voyais, on peut jouer aussi Akuma mais en version de ouf, Ryu en version hyper surpuissante, dans le 4, est-ce que du coup ça crée des inégalités au niveau du gameplay? Non, en fait, les inégalités se retrouveront pas forcément par rapport au personnage et ce qu'il représente, mais plus par rapport à ce qu'on appelle la tier list. Ouais. La tier list classera donc les personnages par rapport à leurs avantages et leurs défauts. Ouais. Et donc en gros, Nekali, je crois qu'il est bien classé dans la tier list pour l'instant. Ouais, enfin, ils essaient toujours d'équilibrer le jeu. C'est à peu près équilibré. Mais il fait mal. Quel perso il te défend en fait? Il y a pas un perso qui va être beaucoup plus cheaté. Il fait mal, mais il est énorme. Mis à haut niveau, ça peut se voir. C'est pas comme Scorpion et l'autre là dans Mortal Kombat. Voilà. C'est toujours vérifiable comme ça, le scénario n'a rien à voir avec le classement tier list des personnages qui se base sur des propriétés, des actions et pas sur du scénario. Et c'est ça qui est bien dans les autres jeux de combat, ou même les jeux de combat type Dragon Ball ou autre. C'est pas parce qu'on prend les personnages les plus forts dans l'histoire qu'ils sont les plus forts dans le jeu, puisque c'est les actions même dans in-game qui font qu'un personnage est bon. Quoique dans Dragon Ball Z Budokai, tu prends Son Goku en Super Saiyan 4. Ouais, mais voilà, c'est vrai, c'est dans Budokai. Et le quatrième personnage, c'est qui alors? C'est pas un jeu de versus équilibré, Dragon Ball Z Budokai. Sur le quatrième personnage, c'est Rachid, c'est le personnage le plus simple à prendre en main. Attends une seconde, Rachid. Tiens, une seconde, je fais une parenthèse sur le chat, on nous dit, rend la vache la Laura à ce niveau-là, autant la mettre à poil, voilà. Ouais, c'était. Il y a un costume alternatif avec une inscription Bonita que vous pouvez vérifier sur internet qui est très suggestive que oui, puis pour les joueurs, ce qu'on appelle un underboob, voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est pour les joueurs PC, je suis quasiment sûr que le nude pack est sorti avant même le jeu. Je pense qu'il y a déjà eu. Moi, il me tarde juste de voir les cosplays sur les nouveaux personnages. Il y a déjà des cosplays de Laura. Et ça marche jamais très bien. Taper sur Google. Donc le BGF, si vous nous écoutez, voilà, préparez du super cosplay de Street Fighter V. Carrément, on va y avoir des chants. Même la catcheuse, elle est trop cool. Oui, d'ailleurs, oui, c'est fait partie du. Elle est censurée la version au final ou pas? Non, elle se tape toujours le popotin. Cool. Ah, mais il y a eu cette fameuse censure de la super de Hermika où il y a, pour imaginer la chose, un visage entre deux paires de fesses qui lui rentre littéralement de profil. Donc ils ont voulu patcher ce super. Il y avait pas, cru, pas en décent, plus, il y avait une cinématique d'arrivée pour je sais plus quel personnage féminin avec soi-disant un gros plan trop rapproché des parties quoi. Même. Un peu. Mais je trouve ça très. Bon, après, c'est un jeu vidéo, c'est rigolo, c'est pas grave. Ça a pas valeur. Il y a plus grave, c'est hein, ça, parce que c'est pas du Dead or Alive où là, voilà. c'est l'aspect principal. Dans c'est le jeu vidéo, on a plus tendance à censurer les allusions sexuelles plutôt que la violence. Je trouve ça très bizarre. Faut signaler que dans Dead or Alive, il y a quand même un. C'est pas un moteur 3D dédié au sein. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça, c'est une réalité. Carrément. Et c'est pas censuré. D'ailleurs, parler très rapidement, ça vous dérange pas, du modèle économique de Street Fighter 5. Voilà, j'allais venir. De toute façon, après, on va encore 5-10 minutes et après, on va conclure. Très, très vite fait, juste pour préciser que Street Fighter 4, à l'époque, avait différentes versions. Donc, la première version Street Fighter 4, puis Super Street Fighter 4. Chaque nouvelle version amenait des persos en plus et des mises à jour régulières, donc du système, des frames, des combos, etc., etc. Sauf que pour Street Fighter 5, ils ont décidé de faire un jeu unique qui évoluerait avec le temps, un peu comme ce qui existe sur PC depuis très longtemps, d'ailleurs. Mmh. Et tous les mois, un personnage sera achetable et des mises à jour régulières seront faites petit à petit. Des personnages payants ou qui seraient gratuits selon l'amont de jeu qui serait donné par les joueurs. Mais bon, à mon avis, je sais pas ce que t'en penses, Strider, ce que t'as vu. Ah c'est quasiment impossible de les débloquer. Alors si, on a fait le calcul rapidement. En gros, il faudrait faire, on a calculé à peu près 2000 matchs pour avoir tous les persos. D'accord. Ah ouais, pour avoir tous les persos. 2000 matchs en gros, en moyenne, pour avoir tous les personnages. Les persos sont vendus à 6€ l'unité sur internet. Les vêtements 4€ et le season pass est à 28€ pour l'ensemble des personnages une fois que ça sera vendu. Et tu vois ce que je vais te dire. C'est ce qui m'emmerde, moi. Ça pique, ça va. Tu vois Street Fighter 5, je suis nul à Street Fighter, tu vois. Mais moi, ce que je kiffe, c'est jouer avec les bonhommes les plus ringards, tu vois. Oui. Moi, j'adore. Je joue avec Dalsim, je joue avec Blanca, je joue avec Honda. Honda, je l'adore. Ça. Voilà. Et ben là, je peux même pas. Il y a ni Blanca, ni Honda. Tous les bonhommes. Je sais pas ce que vu Dalsim. Il a une nouvelle petite barbe. Ouais, il était vieilli un peu, ouais. Oh, je vois un superbe cosplay de Laura. Alias Lala. Peut-être visible sur le page de la voix. Après, la je pense. Et Bonita. Hein, voilà. Après, voilà, moi, ça me choque pas tant que ça, dans le sens où je me rappelle quand je jouais à Melee à l'époque, mon Mewtwo, je l'avais débloqué avec les 999 heures de jeu. Là, voilà. Je sais pas quoi. Ah oui, oui, oui. Au final, c'est mérité. C'était mérité. Non, j'étais trop nul pour finir le jeu en difficile pour avoir Mewtwo. Du coup, j'ai gagné à force de jouer avec mes potes et je trouvais ça cool. Oui, non mais voilà, donc c'est mérité, t'es pas obligé de mettre la main au porte-monnaie quoi. Capcom a décidé de suivre parce que aux États-Unis il y a encore un autre système, l'implantation que le jeu Killer Instinct sur Xbox One avait imposé fonctionné. Killer Instinct c'est encore autre chose, on a un roster très très réduit au début et on peut acheter tous les deux mois, c'était un nouveau personnage annoncé. Tu fais ton jeu à la carte. Voilà, exactement, un jeu à la carte de manière à ce que les joueurs qui veulent juste se taper dessus comme ça en bourrant un peu le bouton prennent que les persos qui les intéressent, donc du coup ça leur revient pas beaucoup. Et les gros passionnés achètent le season pass et se tapent le roster intégral pour faire des tournois. Mais ouais, mais tu vois, c'est pas cool. Tu vois, on en parlait la semaine dernière, mais c'est déjà le cas un peu pour les matchs de, enfin, pour les jeux de foot. Genre, c'est PES, je crois, qui arrive en free to play. Ou, au final, bientôt, t'achèteras Street Fighter 6. Il y aura un personnage dedans où t'achèteras la version que tu veux. Bon, ils sont en train de mater des photos de meufs à poil là, c'est hyper radiophonique. De Laura en cosplay. C'est du cosplay, monsieur. Ah oui, c'est très échantré. Reste en digne. Oui, bah tu peux dire ce que tu veux. Elle est pas mal, mais je l'ai bien connue elle dans un bar à Porto Rico. Dans un bar caliente brésilien. Ce que tu dis, l'Infernal, c'est vrai parce que pour Killer Instinct, c'est ce qu'ils ont fait sur Xbox One. Ils ont sorti le jeu gratuitement avec un seul personnage. Avec la possibilité d'acheter des saisons. Mais tu vois, c'est nul, au final. Donc, en gros, t'as le jeu gratuit, mais t'as un perso. et il faut que tu passes à la caisse plusieurs reprises pour avoir les personnages. Enfin voilà, c'est le drame quoi. C'est un peu bizarre, au moins qu'il y en ait quelques-uns. Au moins, bon là il y en a un peu, mais au moins les personnages. Après tu sens tout de suite que derrière c'est la machine à billets. C'est ça. Voilà, évidemment les personnages les plus connus, ils mettent pas Honda, ils mettent pas Blanquin. Moi en tant qu'organisateur de tournoi, ça me fait chier parce que je vais être obligé d'acheter des jeux et des season pass parce que je vais pas passer 2000 heures chez moi à débloquer les personnages. Non mais c'est clair. En sachant que si on a 4 consoles à faire tourner, ça nous fait 4 season pass parce qu'on peut pas jouer 2000 matchs par console. Enculé, tu... Alors qu'est-ce qui va être Oui, bah il y a une dépense militaire qu'on embrasse. Exactement. Donc du coup forcément Mais qu'est-ce qu'il y a, vas-y, ça, il rigole. On est en train de faire un contest des pires cosplays de Laura justement. Ah d'accord, OK. Et là pour le coup ils ont gagné. Ils ont gagné. Ouais, franchement, je pense qu'on a un peu la victoire. Elle est magnifique hein. Vous la voyez pas mais Vos yeux seraient illuminés par la grâce. Je la posterai sur le mur du groupe, voilà. Bon, pour conclure, ce qu'on va faire, on va juste faire une chanson en karaoké ou deux, parce qu'on va vraiment pas avoir le temps. Et la semaine prochaine, on aura plus le temps. On teste pas Far Cry, on fera la semaine d'après. On fera que du SingStar. Oh merde! Wow. Ça va être très magnifique. Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh là là. Donc en gros, pourquoi pas, ouais. On va quand même en chanter une. Voilà. Faut que Gusty voilà. Au hasard, on va prendre une personne au hasard. qui a été choisie. Pour conclure, à l'avance. Pour conclure sur ce Street Fighter V, est-ce que c'est un bon opus? Est-ce qu'il est bien? C'est un excellent jeu au niveau du gameplay. Voilà. De gros problèmes en termes de mode de jeu, notamment par rapport à la connexion internet et les serveurs. Oui, c'est assez dramatique. C'est pas amélioré. Il y a vraiment des très très gros problèmes. Ah. Cependant, le jeu en lui-même est très bien. Hein. Si vous jouez avec vos amis et tout ça, il y aura aucun souci. Par contre, si vous allez sur le live, sur le PSN, pardon, ça va faire quelques étincelles. C'est sûr qu'en termes de gameplay, le jeu est très bien pensé. Et ce qui est bien, c'est qu'il est accessible. Il est beaucoup plus accessible que les autres. Donc les joueurs débutants peuvent facilement s'amuser dessus et avoir l'impression de faire des choses impressionnantes. Mais moi, je me fais exploser la gueule par Mélanie qui joue jamais aux jeux vidéo. Voilà, c'est ça qui m'a choqué. Le truc, c'est qu'elle joue comme ça. Tu sais, elle appuie sur tous les boutons en même temps et à 4 côtes. Et ça fait des actions. Et donc, ça lui permet de s'amuser quand même et de pouvoir ensuite, pour ceux qui veulent progresser, trouver quand même un contenu qui permet de contenter tout le monde à différentes échelles. Maintenant, à mon avis, c'est vrai ça n'a pas dû plaire aux puristes quand même, ce côté un peu facilité. Les puristes sont un peu gueulés parce que c'est vrai que les manipulations pour faire les super coups ont été simplifiées. C'est vrai. Cependant, si on augmente le niveau de jeu, quand on voit les pros jouer, ça reste toujours aussi complexe. Mais c'est vrai qu'il y a des raccourcis en fait qui ont été amenés et certains, en effet, Ayatollah, on va dire, du jeu de combat, on peut pester. Mais c'est une tendance générale dans tous les jeux de combat. On a tendance à simplifier les manipulations pour que ce soit plus ergonomique. L'intégralité des joueurs. Maintenant, pas seulement les professionnels. Maintenant, là où il y a vraiment le bas qui va blesser, on va dire, c'est sur le format de jeu à sa sortie. C'est vrai qu'à l'époque, à Super Street New Challenger, on en parlait, le quatrième épisode, il y avait 16 persos. Street Fighter Alpha, le premier épisode, 17 persos. On revient toujours à une base zéro où on repart avec peu. Mais c'est vrai que là, par rapport au modèle économique des autres jeux de combat, il y a peu de modes de jeu. Capcom planche sur un mode arcade parce que les gens critiquent le fait que il y a quasiment pas de mode disponible. Il y a un planning avec des modes et même les cinématiques qui arrivent dans l'année. Le mode histoire va être téléchargeable dans plusieurs mois. C'est hallucinant quoi. C'est assez par rapport au dernier Naruto que nous parlait Kogu la semaine dernière. Il y avait combien? 110 personnages? 112. Alors, 112, attention. Il y a personnages et personnages. Oui, c'est des déclinaisons de personnages existants. Je me rappelle d'un Budokai Takeshi où Frankie le robot avait deux coups. Donc oui, effectivement, il y avait 72 personnages, mais le perso a deux coups. Carré rond. Voilà, c'est la commande 10 de Frankie dans Takeshi. Comment il les connaît par cœur? Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une case, quoi. C'est un gif. Voilà, le personnage. Non, c'est sûr. Mais après, oui, c'est vrai que le jeu, et au niveau du online aussi, c'est vrai que bon, le online n'est pas assez creusé. C'est même trois quarts d'heure. Moi, j'ai fait le test, le dure trois quarts d'heure avant de trouver quelqu'un. C'est long. Le jeu est bien, on va dire, pour résumer, Brice, mais le lancement est loupé. Le lancement est clairement. Il y a eu beaucoup de teasers sur le fait qu'il y a eu 4 bêtas quand même du jeu. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Donc on se disait justement que la version finale allait être beaucoup plus évolué que les bêtas, et au final on se retrouve avec une version plus mais qui colle quasiment à la bêta, une version bâtarde quoi. On peut pas choisir son personnage par exemple en ligne, on choisit dans les menus le personnage, ils sont favoris, il faut revenir dans les menus pour changer de personnage. Ouais, ça c'est abrupt, sauf dans les modes salon. ce qui est une perte de temps énorme en termes de chargement, parce que la version PC de Street Fighter V met des chargements parfois de, on a chronométré quasiment 50 secondes, donc près d'une minute, ah ouais, pour lancer le, un on match. On est pas loin de Bloodborne à sa sortie, quoi. C'était une bonne minute, une minute 10 minutes, donc il est chronométré. Il est pas encore vraiment taillé pour l'e-sport dans ces conditions-là. Techniquement, si, parce que il suffit juste que le jeu soit bien fini, que le gameplay soit bien déterminé et que deux personnes puissent affronter dessus. En offline, c'est parfait. C'est l'online qui pose problème. Donc du coup le jeu est bien, vous l'aurez chez vous, vous pourrez jouer avec vos amis, votre famille sans souci. Par contre le mode online est vraiment à améliorer. Et il y a deux mises à jour qui ont été importantes sur le jeu. C'est le fait qu'on puisse brancher des pads rétrocompatibles. Vous pouvez brancher un pad de PS3 ou un stick PS3 ça, c'est bien. Sur Street Fighter 4. C'est pas obligé de racheter encore. Mais ils ont pas trop communiqué quand même avant le jeu sorte. Ah oui, c'est un oubli pour certain. Qu'on se fasse avoir. Parce que voilà. Pour les volants, voilà. Parce que là, actuellement, au niveau de la politique de Mad Cat, Sori et compagnie, Obama, un stick aujourd'hui qui vaut le coup, c'est dans les 200 balles, ça va jusqu'à 200 balles. C'est pas donné, entre 250 et 300 parfois. Voilà. Oui, donc voilà. Donc c'est qu'on investit. Bon, maintenant qu'on sait qu'on peut jouer avec les sticks PS3, on va peut-être économiser un peu de sous. Mais bon, exactement. Ils l'ont dit juste un peu trop tard, quoi. Oui, voilà. Une fois qu'ils l'ont acheté. Et mais comment ça se fait que dans la bande son de Street Fighter, il y a un mariage. C'est le mariage, ouais. C'est le mariage de Ken dans Street Fighter 2, ça. D'accord. Ah oui, quand ils se marient avec Elisa à la fin. Peut-être comment ils sont calés, quoi, les deux, quoi. C'est un truc de ouf. Et Ken, on pourrait presque se quitter là-dessus, mais non, mesdames, messieurs. Attention. Chers auditeurs de La Voix du Geek, chers viewers, auditeurs d'eau de radio qui êtes chez vous, sûrement bien installés, vous regardez pas Touche pas mon poste pour nous écouter tous les mardis, et ça fait zizir. Mm-hmm. Eh bien, préparez-vous à avoir les oreilles qui saignent. Un battle auditif. On fera ça plus longuement la semaine prochaine, mais là on va se quitter quand même sur un featuring, mesdames, messieurs. Quelque chose d'incroyable. Oui, oui, oui. Goustic et Eiki. Ouh. Alors je vais faire les chœurs derrière. Les chœurs de l'armée verte. Ouais. Sur l'armée rose. La section d'assaut, mesdames, messieurs. Oh, voilà. De la grande musique. Lourd. De la grande musique. Désolé. Et je pense qu'on tient le cover de l'année. Allez, c'est parti. Je sais même pas quoi dire, quoi. Désolé. C'est désolé tout court. Voilà. Désolé. Pour tous les gens qui écoutent. Oh là là. Désolé surtout pour tous les gens qui aiment. Oui. Ah oui, ils ont pas le retour. Ah ben bravo. Le chef MC Goustic. On vous entend pas. On entend pas bien, ouais. Plus près du micro. Et moi comme un teubé j'ai dit ok. Et tous les jours je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer, je suis qu'un homme. Je finis pas clamser. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas un match au milieu, c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas un match, je dis, c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Oh. Et vous avez le rythme dans la peau, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Oh. Allez, on peut les applaudir. Bravo, bravo. Eh ben moi je serais tenté de dire allez ta gazou viens. Allez vas-y. Ah oh non mais je chante très mal hein, tu le sais mais pas. Mais Kogou alors, vas-y Kogou. Allez, rejoins-moi en cabine faire le DJ. Allez, Kogou Maza est attendu dans la cabine du DJ. Ce soir c'est incroyable. Magnifique. Ce qui est marrant c'est que parce qu'ils savaient que c'était section d'assaut, ils ont pris une voix de bolos, tu sais, ils étaient oh. Qui, il chante bien, c'est ça le truc. Il chante bien. Quand même. Non, il y avait du corps. Ouais, j'ai cru que c'était le vrai. Hein. Il le fait de consistance. Ah merde. Bah passe à The Voice. Hein. The Voice, ils vont se prendre. Hein. Alors attention, mesdames, messieurs. Alors. Kogou Maza, l'infernal, son Garou et Céline Dion. Oh my god. Sous le vent. Génial. Qui fait Céline? La chanson est à Céline. Je fais Céline. Oh là là. Kunchinta Worst. Si tu crois que j'ai eu peur, on dirait le vrai. C'est faux. Je donne tes vacances à mon cœur et un peu de repos. Passe encore à moi. Attends. Aspire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Non, mais c'est choqué. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti ma grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si j'avais quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivi un instant. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini, en canadien, j'en ai tabarnak. Tabarnak. C'est juste une pause à répit après les dangers. Oula, c'est en iranien. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps, ouvre ta chatte, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti mon gros gag, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Un instant. Le chipmunk est aussi là. Si tu crois que c'est fini, oh, si je suis dans un répit après les dangers. Le climax. C'est comme si j'avais pris ta mère. J'ai sorti la grand voile. J'ai passé sous le vent. C'est comme si j'avais pris ta mère. J'ai poussé ton étoile. C'est très fort, ce gars. Hein. Allez, on arrête le massacre, on continue la semaine prochaine. Oh putain, ouais, c'était beau. Ah bah, c'était, tu savais super. Tu savais ou pas? Je savais quoi? Qu'il le faisait aussi bien, Garou. Ah bah non. Bah, il le savait qu'il était sosie vocal de Garou quand même. À un moment donné, franchement, j'ai kiffé. La classe. Alors on nous dit René super. Vient de se retourner dans sa tombe. Je vois pas de quoi tu parles, hein, franchement. On embrasse tous les gens qui sont dans des tombes. Voilà, il paraît qu'il y en a qui se sont arrêtés sur l'aire d'autoroute pour pleurer tellement que c'était beau. Tellement c'était magnifique. Ah, Moumout, il a sorti le briquet et tout, quoi. Ah bah attends, il faut. On a la Warner qui nous fait un procès, j'ai entendu. À la meilleure cover. À ça, à mon avis, toute l'émission passe sur Twitch, sauf la fin. Modernement, là, j'ai reconnu, il y a des droits, là. Là, il y a Universal, il. Non, c'est pas bon, hein. Bon bah c'est cool, la semaine prochaine on se fait une spéciale Belgique, mesdames, messieurs. On va fêter le départ de notre goustique national. Enfin. Wouh. Vive la Belgique. Désolé, oui, les gars. Goustique s'en va, tiens, passe lui le micro, qui s'il te plaît. Goustique s'en va pendant. Lâche le micro, il te dit. S'en va pendant un an en Belgique. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Eh ben, je vais former des jeunes. Oh là là, mon Dieu. Je vais déformer des jeunes. Non, plus sérieusement, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pas un Erasmus ou un échange de jeunes. En fait, je vais faire de l'animation culturelle dans une maison de jeunes et je vais m'occuper de plusieurs événements. Donc, voilà. Oui, si tu veux une maison close avec des enfants, oui, avec plein de pédophiles, si tu veux, voilà. Donc, et des. Écoute, là, parce que. Hein? Peut-être qu'il y a moyen que ce soit annulé si t'écoutes. Ah non, il y a aucun souci, je leur filerai des petites saucisses, ils sont très contents, donc Des petites saucisses. Donc voilà, mais vous avez quand même manqué les poulets. Ah ben, ouais, t'inquiète. Mais je suis tout ému, moi aussi ça me fait chier un peu. Moi ça fait 6 mois que je suis ému, putain. Non mais la semaine prochaine on vous fait une spéciale Belgique. En plus il y a Jackie Concorde qui vient exceptionnellement. Ah bah oui. C'est lui, grand moment. C'est lui qui m'emmène, hein, en plus. Eh ouais ouais, il vient en scooter depuis Namur. Sur Radio Larsen. Ça aussi ça va être censuré par Twitch. Il vient depuis Namur pour nous faire deviner avec des jeux de mots pourris et des noms de jeux vidéo. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il était là en deuxième saison. Il vient en scooter tous les ans et tout. Mais c'est un vrai gars en fait. Tout le monde pense que c'est une vanasse, mais non, c'est un vrai pote à nous que j'ai rencontré dans mon ancienne vie. Il viendra nous rendre visite. Il faudra faire gaffe parce qu'il est un petit peu. Il en a un peu marre que les Français se foutent de la gueule de la Belgique, donc il est un peu sur les dents, mais ça va, il est cool. Et puis il repart avec Goustique, du coup, en scooter, comme la Zoubida, quoi. C'est ça. Et puis voilà, la semaine prochaine, spéciale Belgique, on va parler un petit peu, on va essayer de trouver des studios et des jeux vidéo belges. est-ce qu'il y aurait peut-être pas un jeu vidéo qui se passerait-il dans le plat pays? Genre, j'étais en Belgique. Il y a Street Fighter, hein. C'est un Street Fighter. On finit sur ça, on pourra pas faire mieux. Alors là, ah ouais, là, franchement, on peut faire mieux. Street Fighter. Street Fighter, je suis client. Non, mais on va chercher ça, on va vous préparer une émission de Déglingo la semaine prochaine. Ça va le faire. Merci les poulets, Strider et Tomissa d'être venus nous merci voir. Merci à toi de nous avoir invités. Bah, c'est toujours un plaisir, franchement, vous êtes ultra calés, mais bientôt, on va faire une émission de 8 heures. On va faire comme l'émission de Ruquier, bah, tu sais, le samedi soir. Celle qui commence à 23 heures et qui finit à 4 heures du matin. C'est ça. Non, mais grave. Une émission en DLC. Ouais, voilà. Et ben, vous aurez la fin de cette émission en DLC. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch. On a fait plus 70, je crois, followers hier. Bah, welcome. Salut à vous. Merci de nous suivre, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, on est sur iTunes aussi, iTunes, PodCloud, les replays, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on essaye de dominer le monde entier, tu vois. On est en pleine conquête du monde et bon, ça c'est cool. On a déjà dominé Goustic, c'est déjà ça. Je vais dominer la Belgique d'ici peu de temps aussi. Donc. Oh là là, mon Dieu, il va tout nous casser l'atomium. Pour les incultes, hein, l'atomium c'est la tour Eiffel belge. Sauf qu'ils se sont trompés, ils ont fait des boules à la place. Bon. Bon, bref, allez, on vous embrasse, passez une bonne soirée. Bisous mes poulets, bisous l'équipe, bisous, bisous, bisous. Salut, salut. Ciao, bye bye. Bye bye. Ciao. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3.